Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour cette émission spéciale. C'est une grande balade que nous allons vous proposer ce matin. Oh, ce n'est pas l'Odyssée de l'espace, mais une odyssée quand même, sur le plateau de Rotor. Il y a quelques jours, nous avons pris rendez-vous avec un musher et son traîneau à chien. En pleine neige, avec le vent, le froid, la poudreuse qui vous gifle le visage, les conditions étaient réunies pour cette exploration. 2 heures de traîneau sur la piste noire. Le musher, Olivier Landais, avant le départ, quelques questions basiques pendant que les chiens s'impatientent. On a 2 retraités de 11 ans qui, eux, ne travaillent plus. C'était mes premières chaînes. Ensuite, on a 2 bébés de 4 mois qui ne travaillent pas encore. Il faut savoir que les huskies, on attend qu'ils aient atteint la fin de croissance. Donc la fin de croissance chez un husky, c'est 1 année. Donc à partir d'une année, on peut commencer à les mettre au travail. Par contre, on y va progressivement. Et puis, ils ont un emplacement bien spécifique sur la plage. C'est qu'ils sont au milieu. Parce qu'au milieu, c'est là que c'est le moins compliqué pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont encadrés. Ils sont encadrés, voilà, déjà par d'autres. Et puis au milieu, c'est là où il y a le moins de difficultés. Parce qu'à l'avant, ils doivent connaître les directions. Et à l'arrière, c'est là où il y a les charges les plus lourdes. Donc pour leur faire commencer, on les met au milieu de l'attelage, à côté d'un expérimenté. D'accord. Et pas à chaque sortie. On augmente au fur et à mesure pour qu'ils commencent au fur et à mesure à prendre de la masse musculaire et à comprendre aussi le principe du fonctionnement de l'attelage. Ceux qui sont devant, c'est des chiens déjà plus âgés avec de l'expérience. Alors, généralement, quand je fais un parcours avec des clients, je leur pose toujours la première question, c'est sur mon attelage, il y a le chef de meute, à votre avis, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est devant, au milieu ou derrière? Sachant que le chef de meute, c'est généralement le chien le plus costaud, le plus puissant, celui qui, au chenil, fait régner la loi s'il a besoin de la faire régner. La plupart des gens vont me dire, ah ben, il est devant. Erreur, il est justement pas devant. Là où c'est le plus lourd, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à l'arrière. Et les chiens les plus costauds, on a tendance à les mettre à l'arrière. Forcément, le chef de meute étant, en règle générale, le plus costaud, il se retrouve à l'arrière. Maintenant, ça arrive que certains mushers mettent leur chef de meute à l'avant, parce que non seulement il est super intelligent, il comprend bien les directions, et puis voilà. Et l'avant n'est pas un travail non plus très facile. Si c'est lamé, ça va bien. Par contre, quand on est dans de la poudre, le premier chien, c'est lui qui ouvre. Donc ça veut dire il fait la trace, et du coup, c'est physique aussi pour le premier chien. Mais en règle générale, nous, en tout cas ici, on est plutôt sur de la piste damée. Donc on va mettre vraiment nos chiens les plus forts à l'arrière. Et du coup, le chef sera à l'arrière. Donc voilà, les gens me disent souvent, mais alors dans ce cas, il est à l'arrière, mais c'est pour surveiller. Donc concrètement, non. Il surveille rien du tout. Admettons qu'il y a une bagarre qui se passe devant, de toute façon, le chef est attaché. Il va pas se détacher tout seul comme par magie, aller engueuler le chien, revenir s'attacher, et me dire, ouais, c'est bon, on peut y aller. Ça fonctionne pas comme ça. Ils se battent souvent les chiens comme ça? Alors. Parce que là, on a l'impression qu'ils veulent attaquer, quoi. Non, alors là, ils veulent pas attaquer. Ils sont surtout au taquet parce qu'ils veulent y aller. Et puis il y a un paramètre supplémentaire qui est normalement qu'on n'a pas, c'est qu'on a 2 femelles qui sont en chaleur. Donc celui qui arrête pas de gueuler là, assis avec sa langue qui est pratiquement jusqu'au genou, c'est parce qu'il a la femelle qui est en chaleur, qui est tout au fond, celle qui est vers le poteau, qui vient de se coucher tout au bout, et du coup c'est pour ça qu'il y a aussi une excitation qui est supplémentaire. Après, vous verrez pendant la balade, une fois qu'on va atteler les chiens, donc ça va gueuler comme pas permis, au moment où on va avancer, il y aura plus un bruit. Au moment où ils bossent, c'est silence total. Ah ouais, c'est toujours impressionnant. Les gens, ils me disent, mec, il n'y a plus de bruit. Je fais, ouais. Au moment où ils sont au travail, c'est fini. Oh là là. C'est ça. Donc, vous allez le voir pendant le truc. Au niveau des races, donc je vous disais, donc c'est composé de 18 chiens. J'ai pas que des chiens que des huskies. Il existe 4 races de chiens nordiques. La plus connue, évidemment, les gens ici, c'est le husky. Ensuite, il y a le groenlandais. Le groenlandais, c'est justement le chef. Et sa sœur, Inuk. Donc, c'est des chiens qui sont déjà plus costauds. Ils font entre 10 et 15 kilos de plus qu'un husky. Plus puissant. Par contre, un petit peu moins rapide. Du coup, forcément, ils sont un peu plus lourds. Ensuite, il y a le malamute. C'est encore plus gros et plus puissant qu'un groenlandais. Par contre, c'est un chien qui va plutôt avoir tendance à marcher ou à trottiner. J'en ai pas dans mon attelage parce qu'on n'aurait pas d'homogénéité. C'est-à-dire qu'en montée, ça irait très bien. Là, les chiens tireraient. Par contre, on serait, sur du plat. Les huskies seraient trop rapides. Du coup, les malamoutes se feraient traîner, même sur du plat. Et de la descente, on n'en parle pas. Mais est-ce que tous les chiens font le même effort? Alors, tous les chiens font le même effort, mais on a des chiens qui vont avoir plus de puissance. Alors, une question qu'on me demande souvent, c'est est-ce que vous avez autant de mâles que de femelles sur l'attelage? Et les hommes qui posent la question disent, ouais, mais les chiens mâles, ils sont plus puissants. Ce qui est pas faux. C'est vrai que les mâles, généralement, sont plus puissants. Mais après, c'est surtout une question de mental. Et j'ai plus souvent des femelles qui ont du mental que des mâles. Donc, concrètement, je dirais presque que les femelles travaillent mieux que les mâles. Est-ce que vous connaissez tous vos chiens? Oui, alors. Vous les connaissez tous bien? Je les connais tous bien. Ça, c'est aussi un point. J'ai mis beaucoup de temps à créer ma meute. Ça fait 11 ans que je la crée. Donc, les premiers chiens, ça fait 11 ans qu'ils sont là. Mais c'est pour les prendre progressivement. Le problème et l'erreur de beaucoup de jeunes mushers font, c'est qu'ils prennent 10 chiens d'un coup. Le problème, c'est que ces 10 chiens vont arriver à la retraite en même temps. Ce qui veut dire qu'il va falloir reprendre 10 chiens. Ah oui. Donc, ils se retrouvent avec 20 chiens. Moi, j'ai préféré monter progressivement, en incorporer deux, au maximum j'en ai incorporé quatre. L'idée, en fait, c'est d'avoir une bonne gestion de la meute. C'est-à-dire que les chiens vont vieillir, vont décéder, il y aura des jeunes qui prennent la place. Et ma meute, l'idée, c'est quand j'arrive entre 20 et 25 chiens, au maximum, entre les retraités, les petits jeunes qui travaillent pas et ceux qui courent. Et je veux pas aller plus haut, parce que justement au niveau de la connaissance des chiens, j'estime que si on commence à avoir 40, 50, 60 chiens, ça devient beaucoup plus difficile de passer du temps individuellement avec chaque chien. Moi, j'ai une petite meute, mais comme ça, je peux prendre du temps avec chacun de mes chiens. Est-ce que chacun de vos chiens a un prénom ? Ah, ils ont tous un prénom. Tous ? Bien sûr, ils ont même tous un surnom. Vous pouvez m'en donner quelques-uns comme ça, parce que ouais, vous bien sûr. Allez, on va dire Saucisse. Alors, Saucisse, c'est celle qui a le harnais rose. Elle s'appelle Lenka à la base. Sauf que elle est adulte. Elle va avoir 4 ans, mais elle est toute petite. Donc, on est parti sur le principe de Knacky, les petites Knacky. Ouais. Et finalement, ça finit par Saucisse. On a Monsieur Pat. Monsieur Pat, c'est celui qui bat la queue là. Monsieur Pat, il s'appelle en réalité Moroc. Simplement, c'est un chien qui passe son temps à donner la patte. Déjà, quoi qu'on approche vers lui, il veut donner la patte. Donc, on l'a appelé Monsieur Pat. Après, on a, bon, voilà, le chef Yago, Inouk. Ils ont pas vraiment de surnom. Ça sera Nounouk pour Inouk. Alors là, par exemple, on les voit se grogner. Alors, c'est pas de l'agressivité. Simplement, voilà, c'est le frère vient chercher un petit peu, embêter un peu sa sœur. C'est vraiment une querelle de frangins. C'est pas, ça part pas sur une bagarre comme ça. Ensuite, on a Nounoul. Nounoul, c'est le blanc, c'est Noulou. On a Ilfi. Parce qu'on a, alors notre chien, le chien de tête officiel, c'est Ako, ou Coco, qui est devant. Il travaille avec Saucisse en tête. Donc Ako, c'est vraiment le chien, on va dire, le plus important sur la plage, car c'est celui qui est devant, qui connaît les directions, et qui forme les nouveaux chiens de tête. D'accord. C'est-à-dire que Saucisse, quand elle a commencé son travail de chien de tête, j'ai rien eu besoin de faire. J'ai attelé à côté d'Ako, et moi, quand je donne une direction à droite, par exemple, Ako, il va la pousser à droite. Quand D'accord. je veux dire à gauche, il va la tirer à gauche. D'accord, et au final, elle va se dire, bah tiens, le mec derrière, quand il dit un mot précis, Ako, il me pousse à gauche, et puis quand il me dit un autre mot précis, hop, il me tire à droite. Voilà, et donc du coup, au fur et à mesure, ça se met en place et ils apprennent tout seuls. Le premier chien de tête, Ako, par contre, ça a été beaucoup plus long. Parce que j'avais pas d'autres chiens, donc c'est moi qui ai dû le former. Et là, on s'est retrouvé bien souvent, moi assis en tailleur, lui sur ses fesses dans la forêt, à définir notre conception du gauche-droite, parce qu'apparemment, on n'avait pas la même. Et au final, j'ai un petit terrain de foot en dessous de chez moi, donc j'ai des bûches. J'ai fait des parcours avec des petites bûches, des croquettes dessus. Et puis quand il prenait le bon parcours, et ben, bingo, il avait sa croquette au bout. Oui, d'accord. Et au final, ben, ça a commencé à rentrer en place. Et maintenant, ben, Ako, il a 7 ans. Et c'est vraiment un très très bon chien de tête. Encore un mot avant qu'on parte, Olivier. Il paraît que c'est des chiens qui sont malheureux l'été. Alors, malheureux, oui et non. Malheureux, parce que le climat, c'est ça. Voilà. On peut pas, alors, dans les latitudes où on est, on peut pas les faire travailler. Moi, par exemple, ils travaillent 10 mois par an. Par contre, juillet et août, ils ne travaillent pas. Parce qu'il fait beaucoup trop chaud. De toute façon, si je leur montre un harnais, si je leur sors un harnais en été, ils vont me regarder, ils vont me dire, ben, pars devant, on te rejoint. En gros, ça va être ça. Ils vont dire, bien sûr. En revanche, c'est vrai qu'en été, on peut quand même travailler. Moi, ils travaillent, mais vraiment soft. Je fais de la visite de chenil. Donc, des colonies, des camps de vacances vont venir et justement, on va leur apprendre les races, les différentes caractéristiques de chaque chien. Ils vont pouvoir caresser les chiens. Mais par contre, il n'y a pas un travail physique à proprement parler. D'accord. Printemps, automne, on va travailler sur du kart. Et d'ailleurs, on en a fait également à Cuvéry en début de saison. On n'a pas eu la neige qui est arrivée. Mes premiers clients, c'était le 28 décembre. On n'a pas eu de neige. Mais par contre, comme il n'y avait pas du tout de neige, on a des gros karts qui sont adaptés pour travailler sur ce secteur-là. D'accord, donc, je peux prendre 4 personnes. On a attelé 12 chiens et on est parti faire les mêmes pistes qu'on fait en traîneau, mais en kart. Donc voilà, c'est une autre façon de le faire, mais c'est aussi sympa. Donc ça, c'est vraiment printemps-automne. Été, ils ne travaillent pas, c'est repos. Et puis bah, l'hiver, c'est la neige. Mais par contre, automne, c'est très important de les faire bosser pour les préparer à la saison d'hiver. Parce que la saison d'hiver, c'est quand même la saison la plus dure pour eux. Ils travaillent énormément. Ils font entre 40 à 60 bandes par jour. C'est quand même assez important. Ils sont chargés, le traîneau est chargé. Donc ça, c'est au maximum hein, de ce qu'ils peuvent faire pendant une journée de travail. Mais une journée bien chargée, ça peut arriver entre 40 à 60 kilos par jour. Ouais. Ah ouais. Donc du coup, c'est aussi important de les avoir prêts. C'est un peu comme des athlètes. Finalement, on va les préparer à arriver. J'allais poser la question. C'est vraiment des athlètes. Donc c'est vraiment des athlètes. Ouais, et au niveau de l'alimentation, c'est le même principe. Ils mangent une fois par jour le soir. Par contre, le matin et le midi, ils ont une petite soupe pour les préparer. Après, c'est comme nous. On va pas manger une fondue puis aller faire un marathon droit derrière. Donc, les chiens, ils mangent le soir. Par contre, ce qu'ils mangent, ils mangent. Allez, dans l'ordre, on va dire. Croquettes, viande, riz, soupe de légumes, levure de bière, spiruline, oméga 3 et huile de saumon. Donc, 8 ingrédients, nourriture de sportif. Mais après, on leur doit bien ça. Ils bossent énormément. Donc, derrière, il faut leur donner le bon carburant aussi. Et quelquefois, il y a des chiens qui tombent en retraite parce que bon, on les fait plus courir. Alors, la retraite, il y a deux possibilités. Moi, le chien qui veut plus courir, je ne le force pas. Il y a des chiens à 8 ans, ils n'ont plus envie de courir. Et ben, s'ils n'ont plus envie, tant pis, c'est pas grave. Par contre, il y a des chiens à 11 ans. L'année dernière, j'en avais un à 11 ans. J'étais obligé de le mettre à la retraite. C'est-à-dire que c'est des chiens qui aiment tellement ça. Ils venaient, ils travaillaient que la matinée avec moi. Et l'après-midi, quand je repartais, il était dans la remorque. Et je vous garantissais qu'il hurlait à mort pour pouvoir repartir. Mais il ne se rend pas compte que s'il fait une journée complète, le soir, il est raide. Ouais, ouais. Donc on est obligé de les mettre progressivement aussi à la retraite parce qu'ils aiment, ils ont ça ancré en eux. Et vous les gardez jusqu'au bout ? Toujours. Toujours. Non. Après, j'ai des chiens, j'en ai un qu'on a vu tout à l'heure qui est rentré, qui a une maladie de griffe, qui ne peut plus travailler. Il a 4 ans, c'est le frère de Saucisse. Et ma foi, tant pis, il ne travaillera plus, il restera à la maison avec la meute, mais c'est comme ça. Il restera jusqu'au bout. Les chiens, on les garde jusqu'au bout. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors voilà, l'interview est terminée. Place maintenant au voyage et au top départ pour cette découverte. Tout au long de l'enregistrement, vous allez entendre une sorte de grondement continu. En fait, c'est le bruit du traîneau. Ça y est, c'est parti, pour 1h20. Ok. À gauche, droite. Ok, devant. Eh bien, Loulou. Alors, ce qui s'est passé tout à l'heure au départ de ma femme, c'est comme je vous expliquais, Lenka, donc Saucisse, elle est encore en formation pour une chaîne de tête. Et c'est vrai que là, comme il n'y a pas de piste tracée, que c'est de la poudreuse, elle est moins à l'aise, elle ne sait pas vraiment les directions. Parce qu'en fait, quand on apprend les directions, on est surtout sur des. Au début, on est sur des chemins, alors soit en forêt, soit sur des chemins damés. Et du coup, c'est pas difficile pour le chien. Finalement, à gauche ou à droite, y a une chance sur deux. C'est soit le chemin qui part à gauche, soit le chemin qui part à droite. Là, comme il n'y a aucun chemin, c'est là que c'est plus difficile pour la chienne. Il se dirige facilement quand même. Pardon ? Oui. Allez, ok. Ce qui est marrant, c'est ce silence. Facilement, c'est-à-dire au niveau du chien de tête ? Oui, il sait où il va. Alors le chien de tête sait où il va. Alors, c'est toujours impressionnant sur les parcours. Ici, ça fait quand même plusieurs années qu'on vient maintenant ici, c'est 5-6 ans. Du coup, d'une année à l'autre, même si admettons, bon là qu'on est vu la première année, cette saison c'était déjà damé, mais on serait venu, admettons, pas du tout damé comme ça, les chiens savent exactement où ils sont passés d'une année à l'autre. C'est impressionnant de voir la mémoire qu'ils peuvent avoir au niveau des endroits. Ils peuvent repasser vraiment à l'arbre près de là où ils sont passés. Et c'est vrai que par exemple, sur le parcours, je pourrais très bien ne donner aucun ordre. Il le connaît par cœur le parcours. Donc, je pourrais très bien le laisser faire et puis voilà, il se débrouille. Mais le but du jeu, c'est aussi un petit peu de le mettre en défaut. Parce que finalement, c'est plus le chien de tête s'il connaît ses ordres parce qu'il connaît le parcours par cœur ou si c'est vraiment il réagit parce que je lui ai dit à droite ou à gauche. Des journées comme aujourd'hui, ça c'est top parce qu'on n'a pas de chemin qui est tracé. Donc si par exemple on part sur du hors-piste, là j'ai vraiment dirigé mon chien à la voie. Je l'ai fait c'était lundi. Lundi, on est parti sur un endroit qui n'était pas tracé. Et du coup, la cliente à l'intérieur dit « Ah oui, effectivement, là, on voit la différence. Là, il n'y a pas de chemin tracé. Donc là, on, dès que vous dites à gauche, il se décale à gauche. Dès que vous dites à droite, il va à droite. » Donc là, c'est vraiment un bon travail pour le chien de tête. On va dire c'est une bonne remise en condition. C'est fou ce silence. Hein. Vous avez vu ? C'est impressionnant. Ouais, c'est le départ. Mais une fois que c'est parti. Doucement. Et stop. On laisse un peu d'avance. Oui, on va y aller, Misko. Il réclame, en fait. Ah, Misko, ouais. Misko, c'est le pire. Il est assez incroyable, ce chien. Il est jeune, hein, il a 3 ans. Bon, en plus, cette chaleur est sur la tâche de devant. Donc, ça arrange pas les choses. Ok. Il n'y a qu'une seule envie, c'est de pouvoir y aller pour la rattraper. Il n'y a jamais d'incident sur un parcours. C'est-à-dire ? Je sais pas, un chien qui se blesse par exemple. Alors, ça peut, bien sûr, c'est assez rare. Là où on pourrait avoir des blessures, c'est par exemple en neige de printemps. Alors je m'explique, le printemps, la neige, l'après-midi, on passe en température positive, la neige fond. La nuit, on passe en négatif, elle redurcit. Et du coup, le matin, la neige est super abrasive, ce qui a tendance à abîmer les coussinets des chiens. Ah oui. Donc c'est pas rare qu'on les bottine. Ok. C'est des petites chaussettes qu'on leur met et qui permettent justement de protéger les coussinets de l'abrasion. C'est pas une question où les gens me disent « Ah, mais vous mettez des chaussettes parce qu'ils ont froid ?» Non, non, ils ont pas froid aux coussinets, ça c'est pas un problème. Par contre, c'est vraiment le côté frottement sur de la neige très abrasive qui peut poser problème. justement. Ça vous plaît? C'est génial. Cool. C'est absolument génial. Et alors c'est vraiment quelque chose. Moi, je travaille sur différents secteurs. Je travaillais à Chapelle d'Abondance, je travaillais à Chamonix, je travaillais au Carreau d'Arrache. J'ai fait différents secteurs. Et il y a un secteur où j'ai toujours voulu travailler, c'est Cuvéry. Alors, c'est pas pour faire le chauvin. De toute façon, déjà, je suis pas de l'Ain. Moi, je suis de Haute-Savoie. Oui, vous êtes pas là, ouais. Mais je suis tombé amoureux de cet endroit. Parce que c'est vraiment un endroit, pour moi, où... Alors, je dis pas que les autres endroits c'est ça, attention, mais je trouve vraiment qu'on se moque pas des clients sur entre le tarif et le parcours qu'on propose. On est vraiment, c'est des pistes qui sont réservées. Là, c'est des pistes que pour les chiens de traîneau. On va pas croiser 1000 autres personnes à côté des pistes. J'allais vous poser la question justement. Ouais. Alors, ça peut arriver. Je dis pas qu'il y a des racketteurs qui se perdent et puis qui se retrouvent sur les pistes de chiens de traîneau. Après, on essaye de leur expliquer qu'il faut pas qu'ils restent parce que suivant où on est, on verra sur la Connaît un petit peu plus bas, c'est une grande descente. Alors, quand il y a de la neige comme ça va bien, mais ça peut arriver que cette descente soit verglacée. Je garantis que si vous avez tout un groupe de 20 raquettes qui sont en train de monter, puis que nous on arrive dans la descente où en plus on est obligé de prendre de la vitesse pour pouvoir passer les virages, nous on a chaud et on explique aux gens, c'est pas contre eux, on s'en fiche concrètement, voilà, mais c'est une question de sécurité pour eux parce que ouais. Nous on peut pas freiner comme ça en 2 secondes 12 notre attelage. Donc voilà, après pour revenir sur Cuvéry, ouais, c'est vraiment un lieu qui est magique. Alors le désavantage qu'il a, c'est que c'est vrai qu'il est bas, on est à 1200 mètres. À 1200 mètres, on n'a pas tout le temps de la neige. C'est ce que je disais cette saison, l'année dernière, enfin donc pas la saison, mais la saison dernière, ouais. On a eu un hiver exceptionnel. On a commencé le premier jour. Je peux doubler? À gauche, devant, devant, devant, devant, devant, devant, devant. Elle n'arrive pas à ouvrir. Trop lourd, ok, devant. Ouais, alors ce qu'elle disait, ils n'arrivent pas à ouvrir. Stop. Donc pas arriver à ouvrir, c'est-à-dire que là, on est quand même, ça n'a pas été damé aujourd'hui. Donc du coup, c'est quand même difficile pour un chien de tête. En plus, saucisse, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, Knacky, c'est la plus petite. Donc forcément, dans une neige poudreuse, ça devient compliqué. C'est pour ça qu'elle m'a laissé passer devant pour que moi, j'ouvre avec mes deux chiens. Ok. Là, on va voir ce qu'il va faire mon chien de tête. Des fois, il a tendance à essayer de prendre à gauche parce que c'est la piste verte qui part à gauche. Mais nous, on va aller sur la bleue et la noire. Devant. Devant. On va devant. C'est bien. Devant. Encore, encore, encore. Devant, Ako. Ako, devant. Devant. Devant. Encore un peu. Super. Devant. Voilà, là, c'est passé. Donc, l'année dernière, on a commencé, la saison dernière, on a commencé le 1er décembre. On était là pour faire des tours en traîneau. C'est un hiver exceptionnel. Par contre, on sait bien que on n'en aura pas des hivers comme ça tout le temps. Et cette année, on a commencé, c'était le 10 janvier, quelque chose comme ça. Donc c'est un secteur, c'est un décor qui est magnifique, qui est féerique. Vraiment, le Rotor, c'est vraiment une station qui est extraordinaire pour faire une balade en chien de traîneau. Après, c'est sûr qu'on a des avantages un petit peu bas, donc pas forcément tout le temps de la neige. Mais très sincèrement, pour expérimenter la balade en carte, on s'est rendu compte, les gens qui font la balade en carte, on dit c'est génial. Parce qu'on a une autre vision. Là, ce que vous regardez sur les chiens, vous voyez très bien les deux premiers. Ouais. Les autres, ils sont un peu moins visibles, parce que forcément, ils sont cachés par les deux premiers. Sur le kart, vous êtes plus haut. Du coup, vous avez une vue plongeante sur l'attelage. Donc ça, c'est une personne qui a fait les deux, qui m'a dit que le kart, c'est sympa, parce qu'on voit mieux les chiens. Et puis, ça reste dans le même principe. Ça reste vraiment sur le même nombre de chiens, voire même un peu plus, parce qu'un traîneau de portage comme celui dans lequel vous êtes, c'est 30 kg. Un kart, on est déjà à 135 kg. Alors, par contre, oui. C'est roulant, hein. C'est clair que ça glisse pas, ça roule. Mais généralement, moi quand je suis parti, je mets 12 chiens, voire 14 chiens. Ok, Ako. C'est incroyable l'obéissance. Ah, le chien de tête, c'est ce que je dis, c'est le chien le plus important. Il doit avoir trois qualités principales. La toute première qualité pour un chien de tête, un bon chien de tête, c'est qu'il ait le will to go, c'est-à-dire qu'il ait envie d'aller de l'avant. Là, par exemple, Ako, aujourd'hui, il est en doublette, mais des fois, il est tout seul devant. Et il doit avoir envie d'aller de l'avant. Par exemple, si je mets un autre chien, il y a des chiens qui vont freiner, qui vont se dire, bah non, moi j'ai envie d'être à côté d'un autre, donc je freine, j'attends que ceux derrière moi soient au même niveau que moi, et puis on y va. Donc ça, c'est pas un bon chien de tête. Il faut vraiment que le chien de tête, même tout seul, il ait envie d'aller de l'avant. Le deuxième chose, c'est l'intelligence. Il ne faut pas que ça soit un chien trop bête. Et ce que je dis toujours, c'est que mon chef de meute, là, qui est tout derrière, lui, si je dois lui apprendre la gauche et la droite, il sera à la retraite, il n'aura toujours pas compris. C'est pas une flèche. Après, j'ai pas besoin d'avoir non plus que des intellos sur mon traîneau. Parce que d'avoir que des intellos qui savent tous aller à gauche et à droite, mais qui ne tirent pas le traîneau, ça ne me sert à rien. Donc j'ai besoin aussi d'avoir des gros bourrins qui se posent pas de questions, qui tirent, qui tirent, qui tirent, et puis d'avoir aussi des intellos qui eux se posent des questions et dirigent le traîneau. Donc finalement il faut un peu de tout pour faire un bon attelage. Des bourrins, des intellos, voilà, vraiment de... C'est comme les humains en fait. La plupart des gens me disent ça, ils disent c'est comme les humains, et c'est vrai, c'est comme les humains. C'est tout structuré vraiment de façon... On essaye de tirer le meilleur parti de chaque qualité propre au chien. Diago est très fort. Iska, par exemple, la chienne qui est juste à côté de Diago, c'est une chienne qui va avoir très peu tendance à courir. Elle va plutôt être... elle va trotter, mais elle a une super allonge. C'est une chienne qui est très très régulière. Pour ça, c'est vraiment une chienne qui est top, parce que le problème qu'on a, par exemple, avec des jeunes chiens qu'on attelle, c'est que les jeunes chiens, au début, quand ils arrivent sur la neige, ils tirent comme des malades. Alors, les deux premières semaines, voire le premier mois, ça fonce, c'est impressionnant la vitesse où ça va. Ouais, sauf qu'au bout d'un mois, il n'y a plus personne. Parce qu'ils oublient que la saison d'hiver, ça reste pas, c'est pas deux semaines ou c'est pas un mois. Ça peut durer trois mois, voire un peu plus. Donc, le but, c'est aussi que les chiens puissent se réguler. Et c'est ce que j'explique aux petits enfants qui sont avec moi dans le traîneau, qui me disent, il faut que ça aille plus vite. Je leur dis, non, il faut pas que ça aille plus vite. Il faut que ça avance toujours. Moi, ce que je leur demande, c'est d'un travail régulier. Je leur demande pas d'aller à fond la caisse comme ça et puis d'être mort pour une semaine plus tard que j'ai eu des chiens qui n'arrivent plus à tirer parce qu'ils ont tout donné pendant une semaine. Donc ce qu'il faut, c'est voilà, l'avance comme ça, pour moi, ça me convient très bien. On n'est pas sur du sprint, on est vraiment sur une balade pour les gens et puis je transporte tout type de personnes. J'ai aussi des personnes âgées qui sont là pour profiter du paysage et pas pour aller à fond la caisse et puis prendre des virages comme un malade. Donc il faut que les chiens s'adaptent justement à ça. Mais parce qu'il y a là par exemple dans quelques jours là il y a la Retordica et j'ai l'impression que ce sont des chiens de compétition. Alors sur la Retordica ce sont effectivement des chiens de compétition. Il y a une différence, enfin je sais pas, dans l'éducation des chiens. Moi par exemple j'ai participé à la Retordica en tant que compétiteur. Avec ma première course neige, j'ai fait de la compétition mais en terre, donc c'est-à-dire que c'est le même principe, je faisais la trottinette de chiens attelés sur terre. Donc évidemment les trottinettes c'est des trottinettes de descente, donc des gros trucs. Deux chiens c'est du sprint, c'est d'aller le plus vite possible. C'est une petite distance hein, en terre, on fait 6 km, mais voilà, le but c'est vraiment de foncer et d'aller le plus rapidement possible. Donc sur mon attelage, il y a une partie de mes chiens qui sont des chiens prévus pour faire du sprint. Si vous remarquez, la majorité de husky, il y en a qui sont plus fins que d'autres. Par exemple, Saucisse est relativement fine. C'est normal, c'est une lignée sprint. Par exemple, Akko qui est tout devant, c'est toujours un husky, mais plus épais, plus costaud. C'est une lignée, si on devait le mettre dans une catégorie de course, ça serait de la mi-distance. La mi-distance, c'est des courses qui font entre 40 à 60 km par étape. Et enfin, j'ai du chien longue distance. Ça, c'est les deux derniers les deux avant-derniers que j'ai récupérés. Doucement et stop! Qui sont Noulou. Donc Noulou, il est. Vous voyez le chef? Ouais. Il y a sa sœur en diagonale. Oui. Il y a le chien surexcité qui est juste devant elle. Oui. Et puis après, il y en a un blanc tacheté. Oui, je le vois. Et bien ce blanc tacheté là, lui, c'est, il vient de chez Catherine Fontaine, qui est une spécialiste des courses longue distance en Suède. Les courses longue distance, c'est des chiens, ils font entre 100 à 150 bornes par jour. Ouh. Ah ouais, donc là, c'est du gabarit plus costaud, plus gros. Ça reste toujours. Ok! Ça reste toujours du husky. Ouais, d'accord, stop. Ça reste toujours de la lignée husky. Mais après, ils retravaillent sur l'aspect physique du chien. Un chien sprint, comme c'est une étape qui est courte, l'idée, c'est d'avoir des chiens très fins. Ben voilà, l'Enka qui est à côté, c'est une sprint. Elle est fine. Alors par contre, elle n'est pas sur pattes. L'idée, c'est d'avoir des chiens assez hauts sur pattes et fins, très légers, qui puissent aller le plus vite possible. En sprint, on est le traîneau est allégé au maximum. C'est vraiment une question de rapidité. Par contre, sur de la longue distance, le traîneau, il est chargé. Hein, parce que mine de rien, vous avez quand même la nourriture des chiens, vous avez une tente si vous devez bivouaquer. Enfin voilà, il y a tout un matériel. Le but, c'est pas d'aller à fond la caisse, c'est de l'endurance finalement, ces longues distances. Mais voilà, donc sur une lignée husky, on peut avoir vraiment des formats différents. Ok, moi par exemple tous mes chiens sont confirmés. Et là pour la course Retordica, j'ai eu la personne hier soir au téléphone, elle m'a dit que ça serait entre 12 et 15 km. Donc ça va être des lignées sprint que je vais prendre. Je vais courir en 6 chiens sprint et puis on va aller s'amuser. Le but c'est pas de la gagner parce que moi je n'ai pas du tout de préparation pour les compètes. Hein, donc faut pas rêver, il n'y aura pas de première place ou quoi que ce soit. Parce que voilà, les compétiteurs, eux, ils font vraiment ça pour avoir un résultat. Donc, ils font des entraînements. Moi, c'est pas un entraînement, par exemple, sprint, n'est pas du tout adapté au fait de prendre des personnes dans le traîneau. Le but, c'est d'être léger et d'aller à fond la caisse, pas de devoir prendre des charges. C'est pour ça que j'ai arrêté la compétition sur terre, parce que j'étais plus dans le même entraînement, on va dire, pour pouvoir les préparer à une compétition en sprint. Mais c'est peut-être pas le même état d'esprit non plus, quoi. C'est pas non plus le même état d'esprit, ça c'est sûr. Mais après voilà, c'est pour une chose par exemple où moi j'aurais plus de problèmes, c'est que les compétiteurs, vraiment ceux qui font des bons résultats, qui sont au top, il y a quand même une tendance, c'est qu'ils ont des chiens qui ont entre 3 à 5 ans, voire 6 ans, parce que c'est là qu'ils sont vraiment le plus performants. Après, ben, généralement, ces chiens-là, les compétiteurs ne les gardent pas. Ils les replacent, ils les donnent. Alors, c'est pas mauvais pour le chien, parce que concrètement, le chien, il souffrirait de devoir se retaper. Il vieillit, il n'a plus le même rythme que les plus jeunes qui arrivent, donc il n'arriverait pas à tenir le coup. Ouais. Donc finalement, c'est pas plus mal qu'il se retrouve dans une famille qui fait autre chose, ou chez des mocheurs pros qui récupèrent le chien, et puis ben, voilà, qui vont faire des cadences beaucoup moins élevées qu'un compétiteur. Mais c'est sûr que voilà, eux, c'est vraiment leur recherche, c'est la performance. Nous, la recherche, c'est plutôt l'endurance. Et puis, on n'est pas dans un, voilà, quand on fait de la balade, on n'est pas dans un concours, quoi. L'important, surtout, c'est que les clients prennent du plaisir, que les chiens prennent du plaisir aussi. Mais on n'a pas ce côté résultat, performance qu'il y a dans la compétition. Mais ça doit demander quand même, avec autant de chiens, beaucoup de. Ça demande beaucoup de travail de s'en occuper quand même, non ? Alors, ça demande beaucoup de travail. Nous, donc, comme j'expliquais, on a un pôle de 4 mocheurs qui travaillons sur le secteur de Cuvéry. On a tous un travail à côté. Par exemple, moi, je travaille dans une pension pour chiens qu'on a ouvert avec mon frère, donc tout type de chien, hein, pas forcément du nordique, qu'on a ouvert avec mon frère. L'intérêt d'avoir un boulot à côté, c'est justement de ne pas se retrouver pénalisé si on a un hiver pourri où il n'y a pas de neige. Alors déjà, on développe des activités hors neige pour justement pallier au manque de neige. Mais ce qui arrivait à l'époque sur des mushers qui faisaient que de la neige et qui gagnaient leur vie sur ça, c'est qu'il y a eu des hivers où il n'y a eu que 3 semaines de boulot. Donc les mushers, ils ont dû tourner comme des malades, parce qu'il faut bien, pouvoir réussir à nourrir les chiens, payer les factures. Donc sur 3 semaines, il faut réussir à faire l'équivalent de 3 mois. Donc les chiens, on leur tire dessus comme pas permis. C'est pas méchant, c'est parce qu'il faut bien leur payer les croquettes. Si on fait rien du tout comme chiffre, on ne peut pas les nourrir. Moi, ceux qui travaillons ici, on a pris le parti justement d'avoir un boulot à côté qui nous permet, en cas d'avoir un hiver pourri, de ne pas être complètement dans la merde, de se dire c'est pas grave, nous on a notre boulot à côté, on a des sous, on peut payer nos factures, on peut payer les croquettes des chiens, et puis voilà. C'est pas être dépendant de cette activité hiver. Et de pouvoir justement pas être obligé de forcer sur des chiens. Moi, si par exemple, il y a un jour, j'ai envie de prendre du plaisir, je vais pas forcer sur mes chiens. Et d'ailleurs, on le voit sur par exemple tous les jeudis. Vous l'avez vu, il y a ma femme qui vient en tant qu'amatrice pour faire du traîneau. Donc tous les jeudis, c'est des jours qui sont bloqués que pour moi, mes chiens et ma femme. Je pourrais prendre des clients, on a énormément de demandes, mais il faut faire attention à ne pas perdre son âme dans ce genre de travail. Vous inquiétez pas, je le tiens. Je penche, mais je le tiens. Et bien d'abord. Un petit peu à gauche, à quoi ? Gauche, gauche, gauche, gauche. Encore un peu. Voilà. Combien de temps ça demande pour éduquer un chien ? Alors ça dépend, mais un chien de tête. En fait, un chien de tête, oui, un chien de tête. Alors un chien de tête, donc Akko, ça a mis du temps, ça a mis 2 ans en tout cas, un peu plus de 2 ans de formation, mais parce qu'il n'y avait pas d'autres chiens à se référer, donc c'était moi qui ai dû lui apprendre. En revanche, au 6, c'est beaucoup plus rapide, une année et demie, elle sera vraiment opérationnelle. Après, c'est des petits ajustements. Par exemple, au chien de tête, on lui apprend surtout la gauche, la droite, devant, il doit entraîner le mouvement. Il y a un rôle qui est très important. Tout à l'heure, je vous parlais de l'intelligence. Oui, oui. Il y a un troisième rôle qui est très important, qui se met en place une fois qu'on a un chien qui a assez direction et qui a envie d'aller de l'avant. C'est le rôle d'entraînement ou d'enroulement. Alors, je m'explique. Doucement, on fait une petite pause. Top. On est sur la piste et on a Mamie. Mamie, elle est en bord de piste avec Kiki. Kiki, chihuahua de son état. Et elle lui dit, mais regarde mon Kiki, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ces huskies, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils. Ouais, concrètement, mes huskies, quand ils voient Kiki, ils se disent, tiens, une croquette sur patte. Ils sont pas forcément cool avec les chiens qu'ils vont croiser. Ils sont en meute. Individuellement, ça va assez bien. Mais l'effet de groupe, ça peut très très vite partir au carton. Donc, Akko, le chien de tête, son rôle à lui, c'est, il y a Kiki, lui, il doit s'en foutre de Kiki. Il va dire, ok, j'avance. Derrière, les autres chiens vont se dire, bon, il y a Kiki, on le bouffe pas. Ah ben merde, trop tard, Kiki, il est déjà derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Akko, lui, il doit emmener tout le monde pour que les chiens n'aient pas le temps de se poser la question s'ils vont le bouffer ou pas. Donc lui, en aucun cas, il doit s'arrêter. Donc c'est vraiment très important à ce niveau-là. Moroc, fous-lui la paix. Ok. Non. Stop. J'ai pas vu si c'était à côté. Dis-moi quand tu t'arrêtes et tout, sinon je vois pas. Quand tu descends. C'est pas bien à côté. C'est pas ça. Ah, c'est bête ça. Vous restez. Est-ce que jusqu'à présent, ça vous plaît? C'est fabuleux. Ouais, alors ça, c'est top. C'est fabuleux. Hein, je vous dis, puis vraiment, le secteur, puis le décor aujourd'hui, il neige peut-être, mais n'empêche que c'est... Et Yago, fous la paiska. Donc, n'empêche que le décor, voilà, on a tout ici. On a de la forêt, on a de la montée, de la descente, de la plaine. On va arriver sur la grande plaine de Merlonne tout à l'heure, qui est magnifique, avec un temps pareil. Voilà, je sais bien que je survente mon coin, mais très sincèrement, j'ai pas connu de coin aussi joli dans d'autres endroits où j'ai été. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs endroits où on peut travailler. Le seul problème, c'est effectivement l'enneigement. Bien sûr. Mais quand il y a de la neige, c'est juste féerique. Ça va aller bien comme ça. Putain, ça tire sur les ongles. Putain, mais c'est quoi? Pourtant, je les ai pas modifiés. Il y a Ben qui m'a appelé, il était à la route. D'accord. Ok. Donc aussi sur cet endroit, ça nous permet donc, en tant que professionnel de proposer deux types de balades. On propose soit de la balade à l'heure, soit de la balade à la demi-journée. La demi-journée, donc faut quand même, c'est pas 4 heures de temps, c'est 2 heures et demie de temps, où là on fait l'entier du domaine. Sur la balade à l'heure, on a des possibilités de raccourcir le domaine où on va partir que sur la piste bleue et ensuite la piste verte. Donc on peut boucler ces fameuses pistes, c'est-à-dire qu'on peut aller sur la verte, partir sur la bleue, partir sur la rouge et finir sur la noire. C'est ce qui nous permet d'avoir vraiment une grande longueur de piste. Ok. Et là, des jours comme aujourd'hui, c'est génial parce qu'on a l'impression d'être sur une espèce de duvet. Tout glisse, tout est mou. C'est vrai qu'au printemps, quand ça commence à venir à taper fort avec la glace, là, ça devient plus difficile. Après, il y a toujours des possibilités sur, par exemple, des descentes qui peuvent être importantes. C'est de libérer un peu de puissance sur l'attelage. Parce que si vous regardez les chiens, ils sont accrochés en deux points. Ils sont accrochés au cou, ils sont accrochés aux fesses, à la base du harnais. Là où ils ont de la puissance, c'est les fesses. C'est vraiment la base du harnais, c'est là qu'ils tractent. Le coup, c'est pour les garder l'un à côté de l'autre. Pas que j'en ai un qui serait complètement à gauche et un autre complètement à droite. Donc par exemple, si on arrive sur une grosse descente qui est verglacée, qui va être compliquée à freiner, mais on part en demi-journée, donc on est quand même obligé de prendre un maximum de chiens parce que la demi-journée, c'est long. Ce qu'on va faire en haut de cette descente, on va décrocher juste les fesses des chiens. Une partie des chiens, on va en décrocher 3, 4, 5, 6... Ce qui permet de libérer de la puissance, mais les chiens restent toujours accrochés, ils sont toujours accrochés au cou. Alors ils peuvent tirer un peu avec le cou, mais beaucoup moins fort que s'ils ont le harnais qui est accroché. Et ça nous permet de pouvoir faire la descente avec moins de puissance que ce qu'on a à la base. Au niveau de la direction, tout à l'heure vous avez vu que ça penche, si vous me retournez la tête, vous me regardez à droite, je vais diriger mon traîneau comme ça, donc ça va pencher mais je le tiens. Là on a un petit dévers, donc je vais me mettre sur le côté. Je glisse à côté et je tiens mon traîneau. À cause de la pente? Ah voilà, à cause du petit dévers. Du petit dévers, d'accord. Donc, souvent je dis aux gens, vous inquiétez pas, je bosse aussi derrière. Je suis pas une grosse feignasse qui dit juste aux gens d'avancer. On a quand même du boulot à diriger les chiens et les orienter. De toute façon, c'est ce que je dis toujours aux gens. Si je suis plus là, vous allez vite vous en apercevoir au premier virage. J'avais une dame l'autre jour. Parce que pendant ma balade, je discute beaucoup parce que j'aime bien que les gens ils profitent de la balade mais qu'ils apprennent aussi des choses sur les chiens. Donc je discute des races, je discute du positionnement, de pourquoi ce chien-là est à côté de ce chien-là. Et puis la dame me dit, mais c'est bien quand vous parlez, comme ça on sait que vous êtes toujours là. Je lui ai dit, c'est pas faux, ça peut aussi rassurer à ce niveau-là. Là, le chef qui est tout derrière à droite, c'est vraiment le créneau dès que ça grimpe et tout. On le verra sur d'autres endroits où ça grimpe plus. Et c'est là qu'il prend vraiment tout son sens au niveau de son positionnement parce qu'on le voit se ratatiner sur lui-même et pousser, et pousser, et pousser. Là, sur du plat, limite, il s'ennuie un peu. Il voit qu'il fait des petits arrêts pipi. C'est pas son créneau vraiment à lui. Lui, c'est vraiment quand ça va devoir tracter fort. C'est marrant parce qu'on a l'impression que vraiment il y a une communion entre les chiens. Alors, c'est fou quoi. C'est ça. Alors, aussi un rôle qui est difficile pour le chien de tête, c'est qu'au tout début, quand j'ai formé ACO, il y a aussi ce côté confiance envers les autres chiens. Les autres chiens doivent lui faire confiance. Ça peut arriver, par exemple, ben justement le fameux lundi où on a été tracé un peu en hors-piste avec la cliente. On est donc sur une piste qui était bien damée et je demande à mon chien, hop, tu pars par exemple à gauche, tu pars à gauche, tu vas tracer en dehors de la piste. Pas évident parce que les autres chiens savent bien que quand on va aller dans la poudreuse, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Donc il faut qu'ils aillent confiance au chien de tête en se disant, ok, il y va, nous on le suit. Je me souviens d'une toute première fois quand j'essayais de lui apprendre à sortir de la piste damée. Donc on s'arrête, je lui dis allez on va à droite, droite, droite, il me regarde, il sait pas, puis d'un seul coup il prend son courage à deux mains, il saute, manque de peau, il y avait 1m20 de poudreuse. Mon chien il a disparu, je l'ai plus vu, tous les autres n'ont pas été, hein, ils ont tous tiré en arrière pour pas y aller. Donc je suis descendu de mon traîneau, j'ai été déblayé, j'ai trouvé Brochet avec les petites oreilles pendant, me regardant, il a l'air de me dire mais pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Je suis désolé, j'avais pas vu qu'il y avait autant de profondeur à cet endroit-là. Et puis bah, les autres avaient dit non, nous on suit pas. Donc voilà, au bout d'un moment il acquiert la confiance du groupe. Et par exemple, une punition pour un chien de tête qui fait une bêtise, qui peut être assez conséquente pour lui, c'est de le rétrograder, de lui dire « Ok, dans ce cas, je te mets derrière. » Parce que d'être devant, c'est quand même un honneur pour un chien. Il sait que c'est lui, sur lui que repose beaucoup de choses. C'est le chef. Non, c'est pas le chef, c'est le chien de tête. Le chef, comme j'ai dit, c'est vraiment celui qui est derrière le chef de meute. Il n'est pas chef de meute, mais il est respecté. Ako, par exemple, est assez bas dans la hiérarchie. Concrètement, au niveau des autres chiens, il est plutôt, dans le bas du classement. Mais les chiens lui font confiance dans ce qu'il fait là. Ouais, bon, alors fais ta crotte, fais pipi. La crotte. Donc là, on va arriver dans la descente de la Connaît. La descente de la Connaît, c'est une des descentes les plus difficiles. Aujourd'hui, elle va bien. Hein, on a de la neige, ça va aller tranquille. Mais c'est une descente où on est obligé de prendre de la vitesse. Parce que plus on a de nombre de chiens, plus les chiens dans les virages, ils sont pas bêtes. Les chiens, ils vont se dire, bah, dans un virage, on serre. On va pas écarter, c'est plus court de serrer. Le problème, c'est que du coup, ils nous rabattent trop sur le côté. Et en fait, on finit sur le côté avant même d'être dans le virage. Donc, on est obligé, en fait, de lâcher un peu les freins pour aller un peu plus vite que les chiens pour pouvoir passer ce fameux virage. Comme ça, ça nous permet de rentrer dans le virage un peu plus loin. Et au dernier moment, je donne un petit coup de frein pour arrêter l'attelage. Enfin, pour arrêter l'attelage, pour retendre la ligne. Et puis, ça permet de pouvoir le prendre. C'est fabuleux. Oh là là. Comme dans ce virage-là, je vais devoir lâcher pour aller un peu plus loin. Resserrer un peu maintenant, encore un petit peu. Il faut aller doucement aussi, parce que là, il y a de la poutre, donc les chiens peuvent aussi tomber. Donc il ne faut pas aller leur passer dessus parce qu'ils ont glissé, là qu'ils sont emmêlés les pinceaux. Mais voilà, c'est la grande descente de la Connaît. On va dire que sur tout le parcours, c'est la plus dure. Et là, elle est toute facile, mais c'est quand je vous dis qu'on vraiment elle est verglacée, qu'on n'arrive pas à freiner dessus tellement fait de la glace finalement. C'est là que c'est compliqué. Et c'est là que justement on diminue, on enlève des chiens, donc on désnappe, on appelle ça désnapper les chiens, de façon à pouvoir libérer de la puissance et descendre plus qu'avec 4 chiens qui tirent. Donc ceux qu'on décrochera jamais, ça sera les deux derniers, donc le chef et celle qui est à côté, parce que ça c'est la direction de notre traîneau aussi. C'est-à-dire que le traîneau est dirigé par la ligne centrale qui passe entre tous les chiens. Et si les chiens vont à droite ou à gauche, ça fait pivoter l'avant du traîneau. Donc ceux qui sont plus près de nous, c'est la plus proche direction. Si on les libère et qu'on laisse les deux prochains, on aura déjà moins de direction si on veut. Parce qu'il y aura plus de longueur avant qu'on puisse tourner. Et puis évidemment les deux chiens de tête, parce que les chiens de tête, si on les lâche, eh ben, eux ils ne sont pas accrochés à la ligne centrale. Donc ça veut dire que si on décroche l'arrière, eh ben, ils se barrent. Alors là par exemple, Ako lui va vouloir aller à gauche parce que normalement on va à gauche sur la piste bleue. Donc là le travail ça va être de lui dire on va devant. La plaine de Merlogne elle est à gauche. Cette grande plaine qui est super jolie. Devant. On va devant Ako. Devant. On reste devant. Devant. Non non non non non non. Droite, droite, Ako, droite, droite, droite, droite, droite, à droite, Ako, droite, droite, droite, droite, droite, droite. Droite, on reste à droite, droite, droite, devant, devant, c'est bien loulou. Super. Pourquoi il a voulu aller à gauche? Parce qu'en fait c'est la piste bleue. D'accord. Il sait qu'on va souvent sur la piste bleue. Ce qu'on va sur la noire, c'est qu'on fait vraiment les grands tours. Sur la bleue, c'est qu'on a des tours d'une heure. Et la plupart du temps, on a plus souvent des demandes à l'heure que des demandes à la demi-journée. Donc on tourne plus souvent à gauche, je veux dire. Et comme je vous disais avant, les chiens, ils le savent. Ils emmagasinent le parcours par cœur. Donc ils savent bien qu'on peut, normalement ici, on tournerait sur la gauche. C'est bien les chiens, c'est bien ça. Devant. Dans des descentes comme ça, vous êtes obligé de freiner. Oui, oui, oui. Sinon, on prend trop de vitesse. En fait, c'est toujours la ligne centrale qui nous permet de savoir où on est. Ce qu'il ne faut pas, c'est aller plus vite que les chiens. Parce que si on va commencer à aller trop vite, ça veut dire qu'on va rentrer dans les chiens. Donc, je regarde que la ligne centrale soit toujours bien tendue. Après, comme je vous dis, elle peut être détendue dans certaines conditions, quand justement j'ai des virages importants à devoir négocier en bas d'une pente. Je vais par contre là laisser la ligne se détendre, ça veut dire que je vais aller plus vite que les chiens, mais pour pouvoir rentrer plus loin dans le virage, pas que les chiens me tirent déjà sur le côté. D'accord. Le fait de plus avoir la traction, bah du coup mon traîneau il va tout droit, parce qu'il est plus entre guillemets tiré et dirigé par les chiens. Donc c'est pour ça qu'il y a des virages, les gens disent oulala, mais on va vite dans cette descente. Je dis oui, c'est normal parce qu'on a un virage en bas et j'ai besoin d'aller un peu plus vite que les chiens pour pouvoir prendre correctement mon virage. Faut savoir que sur un traîneau il y a trois freins. Le premier frein, c'est un tapis de freinage. Donc un tapis de freinage, c'est un espèce de petit tapis avec des clous en dessous, des petits clous en dessous. C'est plus fait pour ralentir que vraiment pour s'arrêter. Nous sommes en S-stop. Ensuite, vous avez une barre en fer comme ça, avec des pics de chaque côté. Ça, c'est vraiment le frein pour pouvoir m'arrêter. C'est ce que j'utilise aussi dans les descentes. Et enfin, on a les ancres à neige. Ça ressemble à ça. Ça, c'est les freins à main du traîneau. J'en ai une de chaque côté. Je la plante de chaque côté du traîneau et je peux intervenir sur un de mes chiens. Parce que plus il tire, plus l'ancre en fait s'enfonce dans la neige. D'accord. Ok. Voilà ce que je disais tout à l'heure au niveau des pistes et du fait que j'ai vraiment l'impression de ne pas me moquer du client au niveau du tarif et au niveau du circuit qu'on propose. C'est vrai que la plupart des gens, ils recherchent un petit peu le côté Jack London, Gros-Blanc, le machin dans la forêt. Et surtout pas le truc qu'on est coincé entre des pistes de raquettes, de ski de fond, de machin, et qu'on tourne tous en rond sur une plaine, où là ça fait un peu du carrousel. Et c'est vrai qu'ici, on a vraiment, on est au milieu de nulle part. Il n'y a personne, on est dans la forêt. Et on part se balader sur une piste qui est quand même sécurisée puisque damée. Donc on sait aussi, c'est pour ça que quand vous appréhendiez au début, on est vraiment quand même sur une sécurité assez accrue. Déjà, on n'est pas sur un secteur où on a des risques d'avalanche. Parce que là où je travaille à Chamedy, on devait prendre des informations le matin pour savoir si on pouvait passer ou pas. Et puis la deuxième chose, c'est que toutes les pistes, elles sont balisées. Le panneau qui indique la noire, la piste est damée. Voilà, on sait où on va. On ne va pas un petit peu au petit bonheur la chance en se disant on verra bien, on va essayer de passer par là. Le circuit est quand même bien sécurisé. Donc là, au niveau de l'âge des chiens sur la ligne, les plus jeunes chiens ont une année, sont justement mis au milieu de l'attelage pour apprendre. Le plus vieux, c'est Akko, donc le chien de tête qui a 7 ans, avec Edgy, son frère, qui est au milieu. Et qui lui est de la même portée. Tous mes chiens, j'ai encore jamais fait de reproduction chez moi. Je les ai toujours pris chez des éleveurs. Alors pour une raison assez simple, c'est aussi une erreur que les jeunes mâchers ont tendance à faire, c'est qu'on se dit toujours nos premiers chiens c'est les meilleurs du monde. Alors moi maintenant j'en ai 18. Et je vous garantis que je suis bien content de ne pas avoir fait reproduire mes premiers chiens. Parce qu'avec du recul, c'est pas les meilleurs du monde. Donc l'année prochaine, je vais faire mes premières reproductions, mais j'ai un panel de 18 chiens. Où je peux vraiment piocher en me disant ce mâle là il est top par rapport aux autres, et puis cette femelle là elle est vraiment pas mal, et du coup vraiment d'obtenir quelque chose de bien. Ça évite aussi la consanguinité, parce que quand on a deux chiens ou trois chiens et qu'on commence à faire de la reproduction entre tout le monde, et on tourne vite en rond et on se retrouve vite à avoir pas mal de consanguinité dans les attelages. Moi mes chiens viennent un petit peu des quatre coins de la France. Il y en a une partie qui vient de Corrèze, une autre partie qui vient du Maine-et-Loire, une partie qui vient de Savoie. Donc c'est vraiment des chiens distincts, et ça me permet vraiment de pouvoir faire une reproduction sur un panel large, et en plus sur les qualités des chiens que je recherche, aussi bien du sprint que du mi-distance ou de la longue distance. Là par exemple, les derniers chiens que j'ai incorporés dans mon attelage, c'est des chiens de longue distance, parce que le travail est dur. Donc avant, quand je faisais de la compétition, j'avais besoin de chiens légers. Maintenant que je travaille vraiment beaucoup en puissance avec le monde qu'il y a dans mon attelage, j'ai besoin de chiens plus costauds. Donc c'est pour ça que je veux rester sur du husky, parce que j'aime beaucoup les nordiques, mais il me faut des chiens un peu plus costauds. Tout à l'heure je vous ai parlé des quatre races nordiques. Oui, oui. Le fameux husky, le groenlandais, le malamoute, et le samoyède, boule de poil toute blanche aux yeux bruns. Je ne l'ai pas non plus, c'est pas un foot de guerre au niveau du boulot. On va dire que des quatre races nordiques, c'est celui qui pourrait s'adapter le plus facilement à la vie en appartement. Disons que c'est celui qui a le moins besoin de se dépenser physiquement, on va dire. Il y a une cinquième race, c'est les Alaskans. Mais c'est pas une race en réalité, c'est des croisements. Les Alaskans, la Grande Odyssée, ça vous parle ? Oui. Ah, oui. Qui gagne la Grande Odyssée, c'est des Alaskans. Les Huskies, ils gagneront jamais la Grande Odyssée en attelage composé de ski pur. Parce que les Alaskans sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapides. Alors, un Alaskan, c'est le croisement d'une des quatre races nordiques que j'ai dites, peu importe laquelle, avec un chien typé chasse. Peu importe le chien de chasse, mais généralement, on met souvent du braque dedans. Sur mon attelage, j'en ai deux d'Alaskan. Et on les reconnaît avec les oreilles. Tous les Nordiques ont les oreilles bien en pointe. Par contre, les Alaskans, du fait du croisement chien de chasse, ont les oreilles qui tombent. Donc, celle qui est à côté du chef, la noire et blanche, si vous regardez le bout de ses oreilles, il pendouille. Et puis celle qui est en diagonale d'elle, donc la blanche, oui, c'est sa sœur, qui a aussi croisé chien de chasse. Alors après, il y a tout type, il y a vraiment ça peut ressembler à tout et à rien. Par exemple, la Grande Odyssée, ils auront peut-être moins de poils, ils seront beaucoup plus grands. Ça sera beaucoup plus le côté chasse. L'idée en fait de ce mélange, c'est d'obtenir un chien rapide comme un chien de chasse et robuste comme un chien nordique. Par contre, revers de la médaille sur une chose comme ça, c'est que c'est pas rare de les voir au départ avec un petit manteau sur le dos, voire même pendant la course avec un manteau sur le dos, parce que le croisement fait qu'ils ont perdu leur résistance au froid. En tout cas, ils sont moins résistants qu'un nordique pur. Un nordique pur, faut savoir que une bonne température pour aller courir, c'est un petit moins 10, ça leur va bien quoi. Là aujourd'hui, il fait limite un peu chaud pour eux. Parce qu'ils ont leur poil d'hiver. Si vous regardez par exemple les Groenlandais, alors je parle des Groenlandais qui habitent au Groenland, hein, qui vivent déjà là-bas, c'est des chiens qui peuvent supporter des températures jusqu'à moins 50, hein, qui dorment dehors. Ah, quand même, ouais. Ils vont creuser un trou, ils vont s'enterrer pour un peu que le musher soit sympa, il va mettre un peu de paille au fond du trou. Et puis la nuit ça neige, et en fait le matin vous réveillez, vous avez des dômes un peu partout. Et en fait les chiens ont fait la technique de l'igloo, ils dorment dans leur recouvert de neige, et ça fait une espèce d'igloo et ils s'isolent du froid. C'est bien les loulous! Il y a une particularité dans certaines races, c'est que il y a des chiens qui ont un œil bleu et l'autre marron. Ouais. Alors, on se dit, c'est une tare, mais c'est sûrement pas une tare. Non, non. Akko, reste à droite. Droite, reste à droite. Retire-moi à droite, je veux pas aller là, ici, à gauche. Droite. Resserrez à droite. C'est des verres. C'est bien, loulou. Alors, les huskies, donc on a soit des yeux bruns, soit des yeux bleus, classiques. On peut avoir du vairon, donc un œil bleu, un œil brun. Et on peut encore avoir du particolore. Ça, je vous montrerai éventuellement après. J'ai deux chiens qui ont du particolore, c'est-à-dire dans le même œil, deux couleurs différentes. Par exemple, l'Enka, donc Saucisse, elle a du brun et du bleu dans le même œil. Mawak a également la même chose. Mawak, c'est plus marqué, c'est vraiment la moitié de l'œil brun. C'est après, il y a vraiment le trait et l'autre partie bleue. Donc particolore. Et ça, c'est pas des tares. Chez le husky, c'est des particularités qui sont autorisées. On peut faire confirmer son chien l'œuf, on peut le faire confirmer avec ce type de particularité dans les yeux. Chez le husky, elle est tolérée. Par contre, chez le Groenlandais par exemple, ou chez le Samoyed, qui sont des races nordiques, ça serait pas toléré. Le Samoyed, c'est obligatoirement des yeux bruns. Le Groenlandais, obligatoirement des yeux bruns également. Donc c'est vraiment chez le husky que cette particularité est connu et est autorisé pour faire confirmer son chien. Saucisse d'ailleurs, c'est très joli chez elle parce qu'elle, c'est vraiment des éclats, donc elle a vraiment l'œil, je crois l'intérieur doit être brun et après ça part sur le bleu en éclats, ce qui est assez joli. Au niveau du point négatif, donc on travaille assez souvent, en tout cas moi j'essaie de travailler maintenant le plus possible avec les autorités communales et le GIP pour donner un peu mes ressentis et puis éventuellement les points d'amélioration qu'on pourrait proposer sur le plateau de Rotor. Il y a une chose qui ressort qui est un petit peu dommage, c'est l'hébergement, parce que beaucoup de mes clients viennent soit de Suisse, soit de Lyon par exemple, et ils me disent mais ok, on peut dormir où? C'est vrai que sur le Rotor on n'a pas d'hébergement. Il n'y a pas d'hébergement. Alors, ouais. Soit ils doivent descendre sur Châtillon-Michaille ou après peut-être au plan d'automne, ils doivent peut-être en avoir, mais ça je sais pas. Et c'est vraiment effectivement un truc qui manque. Et puis je parle de ça parce qu'on va arriver un petit peu plus loin sur un endroit qui est assez sympa. C'est un endroit où il y a une cabane dans les arbres. Et le projet, alors c'est un projet pour l'instant, c'est vraiment un projet, puis encore faut-il en parler aux autorités, puis trouver une personne qui aimerait faire ce genre d'activité, mais c'est de proposer des nuits en igloo, enfin voilà, dans des hébergements insolites, couplé avec la balade en chien de traîneau. Ah oui. Parce que je trouve ça très sympa d'aller amener les gens pour aller faire leur nuit en igloo, les amener en chien de traîneau. Donc ça soit deux prestataires externes, hein, qui est une personne qui s'occupe vraiment de la gestion des nuitées igloo, mais qui travaille en collaboration avec les mushers qui amènent leurs clients. Akko, reste à droite. Droite. Parce que sinon on va être dans le trou. Droite. Voilà, qui travaille de. Enfin, l'idée, voilà, de faire de la collaboration pour pouvoir proposer de l'insolite et amener justement cette petite touche en plus avec des chiens de traîneau qui est franchement sympa. Quoi. On verra un peu plus loin, il y a une cabane dans les arbres. Moi, j'ai jamais vu occuper. C'est les grandes cabanes dans les arbres, c'est pas juste une cabane de gamin. Akko, droite, droite, droite, droite, reste à droite. Droite. Ne vous inquiétez pas, je le tire. En fait, le fait de faire ça, ça porte le patin et ça me permet d'écarter. D'accord. D'éviter de tomber dans le trou, le fait de planter un patin sur le côté, ça fait vraiment comme un rail. Et ça me sort à quoi ? Droite ! Reste à droite ! Droite ! Droite ! Sinon, je suis obligé à chaque fois de le tenir. Droite ! C'est bien. Une autre petite précision au niveau du métier de musher, qui a une particularité bien française pour le coup. Il faut savoir que c'est le seul pays au monde où, pour être musher, il faut être diplômé. Ah bon? Et oui, vous allez au Canada, plus proche, la Suisse, vous allez faire une assurance, vous dites voilà, j'aimerais une assurance professionnelle, j'ai un traîneau, des chiens, et hop, c'est parti. En France, vous allez voir l'assurance va vous dire ok, mais vous nous envoyez votre diplôme avant. Moi par exemple, pour avoir mon assurance professionnelle, ils m'ont dit vous me scannez votre diplôme. Donc effectivement, j'ai mon diplôme. Il y a deux types de diplômes. Le premier diplôme, le plus ancien, c'est le DE, le diplôme d'État, qui en fait permet de faire du baptême en traîneau, ce qu'on est en train de faire, et également de l'initiation à la conduite. Donc c'est-à-dire que moi je fournis un traîneau, 2, 3, 4 chiens, et puis que la personne me suive derrière mon attelage. Un petit peu comme ma femme serait en train de faire si c'était une cliente par exemple. D'accord. Elle serait derrière, elle me suit avec mes chiens, mon traîneau, et puis on part en balade. Donc ça c'est le DE. Le DE, ça je ne l'ai pas, parce que j'ai pas spécialement envie de proposer de l'initiation. Donc l'autre diplôme, c'est un titre. Le titre, c'est la SIL, SIL Musher. La SIL Musher, ça permet justement de prendre des gens en baptême. Donc c'est une formation qui donne ce titre. Moi, j'ai choisi déjà, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est aussi une question de coût. C'est que mine de rien, la formation coûte très cher. Et puis, le fait de faire de l'initiation à la conduite, il faut fatalement avoir pas mal de chiens. Parce que si, par exemple, j'ai une personne dans mon traîneau et puis que j'encadre, et généralement sur des endroits où ils font ça, ils encadrent quand même 5 ou 6 initiations qui suivent derrière. Donc 5 ou 6 initiations, admettons, avec 3 ou 4 chiens dessus, donc 4 fois 6, 24. Plus encore, admettons, 10 chiens ou 12 chiens qui tirent le traîneau, 24, 34, 36. Donc on a déjà 36 chiens qui tournent. Et puis, il faut quand même avoir des chiens qui puissent être là pour se reposer, enfin pour être en... En échange, si vous travaillez l'après-midi, vous aurez les retraités, les jeunes, donc vous arrivez vite à des meutes de 50-60 chiens. Quoi. Et comme moi, j'ai pas envie d'arriver sur une meute aussi grande, je veux vraiment rester entre 20 et 25 chiens. Donc c'est une activité déjà qui me correspondrait pas de faire de l'initiation. Puis en plus, si je ferais d'initiation, je pense que je prendrais comme Benjamin, donc Passepartout traîneau fait, puisque Passepartout, lui, un de mes collègues, propose est diplômé DE et propose des initiations. Mais il en prend vraiment un minimum, c'est-à-dire qu'il va prendre une initiation, voire maximum deux initiations derrière lui. C'est aussi l'autre souci qu'on a, moi je l'ai vu sur le secteur de Chamonix, sur des séminaires. Les séminaires, les gens n'ont pas forcément envie de venir faire du chien de traîneau. C'est le séminaire d'entreprise, l'entreprise a choisi, et puis les gens ils s'en tapent pas mal d'aller faire du chien de traîneau, mais ils sont un peu obligés. Le matin ça va encore, mais alors, l'après-midi, après le repas bien arrosé, et que les mecs ont picolé, et que ça part n'importe comment, que ça rentre dans les chiens parce que ça oublie de freiner, parce que ça veut faire les clowns. Voilà, moi j'ai pas envie qu'on bousille mes chiens parce qu'on a un verre dans le nez et qu'on n'a pas envie de faire l'activité. Aussi, je préfère moi conduire mon attelage et au moins je sais ce que je fais avec mes chiens. Combien de temps ça dure une formation? Alors une formation, elle peut durer, alors c'est des modules, il y a 4 modules sur la SIL Musher, donc on peut au maximum faire un module par année. Après, quand moi je l'ai faite, beaucoup l'ont faite que sur une année parce que ils étaient payés, la formation était payée par Pôle emploi, donc ils avaient le temps. Moi par contre, j'avais mon emploi à côté, donc la pension pour chien, donc je l'ai faite sur 2 ans parce que je pouvais pas m'absenter une année complète. Alors c'est pas une année complète, hein. On commence à partir de septembre, on a des modules, on fait des stages chez des professionnels, donc on a fait un peu toute la France, on a appris, on a été dans les Pyrénées, on a été J'ai fait ma Ferrari en Savoie, on a été dans le Vercors, on a été dans pas mal d'endroits pour justement apprendre aussi d'autres mushers qui sont expérimentés et qui sont diplômés. Et la formation a commencé en septembre et a fini, les diplômes ont été validés fin février. Donc ça, c'est si on le fait en une fois. Par contre, moi, je l'ai fait en deux fois. Donc, du coup, j'ai fait la même durée, on va dire, sauf que la première version, j'ai commencé en octobre. Je l'ai fini en janvier. La deuxième version, j'ai commencé un peu plus tôt septembre pour aller jusqu'à l'examen final de février. Après, ça, c'est vraiment la seal mosher qui permet de faire les baptêmes en chien de traîneau. Par contre, si vous partez sur le DA, c'est plus long. Mais là, je ne pourrais pas vous dire exactement combien c'est. C'est beaucoup plus poussé, on va dire, techniquement, le DA. Après, voilà, chacun son opinion. Je pense que des fois, il faut pas non plus... Enfin, qu'il y a des choses qui sont importantes. Nous, on a vu, par exemple, de la recherche d'avalanche. On a appris ce genre de choses, lire un bulletin météo, etc. Après, partir en mission commando, lever à 4h du matin... Pas trop d'intérêt, mais sinon je leur demande pas de venir à 4h du matin. Généralement, on a un horaire qui est fixé et on part pas à l'arrache comme ça. Après, voilà, c'est chacun son point de vue. Moi, c'est bien, vraiment le DE. Quand on a fini le DE, on est plus que complet, on va dire, sur la formation, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans l'absolu. Mais par contre, je trouve quand même que c'est très bien d'être diplômé ou d'avoir une formation pour avoir le titre de musher, parce que mine de rien, on a quand même des gens dans le traîneau, quoi. Quand même savoir ce qu'on fait et pas partir à l'aventure. Par exemple, il y a quelques années, une dizaine d'années en arrière, il y avait certains entre guillemets mushers qui s'improvisaient comme tels, c'est-à-dire que l'hiver arrivait, ils allaient dans les SPA, ils récupéraient une vingtaine de chiens, ils faisaient leur saison d'hiver, puis à la fin de la saison, ils abandonnaient les chiens. Oh là là. Bah, ça, parce que mine de rien, un chien, ok, ça travaille l'hiver, ça rapporte des sous, mais après ça bouffe. Et ça bouffe toute l'année, ça bouffe pas juste l'hiver. Donc pour éviter les dépenses, parce qu'on en a des dépenses au niveau alimentation, au niveau frais vétérinaires, les vaccins, etc., ça va vite. Et c'est vrai qu'il y a des périodes où voilà, il y a moins de sous qui rentrent, mais ça fait partie du jeu, hein, c'est comme ça. Et ben, voilà, ces gens sans scrupules se disaient, bah, du coup on les rabandonne, comme ça on n'a pas le problème là, puis on en reprendra d'autres l'année prochaine. C'est terrible ça. C'est terrible, mais le fait d'avoir la formation, ça a aussi un petit peu enlevé ce genre de pseudo-musher qui profitait un peu du truc. Parce que maintenant, ils ne pourraient pas tourner puisqu'ils sont obligés d'être diplômés et d'avoir une assurance. Et généralement, quand on est diplômé, qu'on a une assurance, on ne fait pas non plus n'importe quoi avec les chiens parce que voilà, on est connu, on va dire, comme musher. Mais est-ce que c'est une activité dont on peut vivre uniquement, non? Alors, oui, non, on peut, il y en a qui vivent de ça. Alors peut-être, non, on ne pourrait pas en vivre ici, sur QVRI, non, parce qu'on ne peut pas appliquer les mêmes tarifs que ce que des mushers appliquent, par exemple à Megève ou à Chamonix, où ce sont des stations de ski alpin, ça draine énormément de monde. Donc il y a beaucoup de demandes et puis les prix ne sont pas du tout les mêmes. Nous, il faut savoir qu'on est dans les moins chers de France hein, à QVRI, mais tout simplement parce qu'on s'adapte aussi à la clientèle. On sait que les gens ils viennent ici faire du ski de fond, qu'à midi, ils ont généralement leur petit casse-croûte dans le sac et puis qu'ils ne sont pas là pour dépenser des milliers d'essence. C'est généralement des locaux qui viennent ici. Donc on adapte aussi nos prix en fonction. Et c'est vrai qu'on pourrait... Bon, hop, merci le sapin. On pourrait pas en vivre. On n'aurait pas assez... financièrement, ça serait pas assez élevé. Après, on peut en vivre. Alors nous, par exemple, on pourrait en vivre si on avait la possibilité de travailler hors saison sur QVRI, c'est-à-dire d'aller faire du kart. Parce que là, le kart, on a pu en faire en début de saison parce que le bétail est rentré. Mais il faut savoir que les pistes qu'on emprunte, bah, l'été, il y a le bétail. Il y a des passages canadiens. Donc, je ne sais pas si vous voyez les passages canadiens. Du coup, les vaches passent pas, mais les chiens non plus. Donc là, qu'on avait. Et les chiens passent pas sur les passages canadiens? Ah non, les rouleaux comme ça, ça, ils ont. Puis ça, c'est le meilleur moyen pour péter une patte à un chien, parce que même s'il essaye de passer, qu'il glisse, qu'il passe entre deux rouleaux et qu'il se pointe la patte, avec la puissance de tous les autres qui vont tirer, ça va lui D'accord. arracher la patte. D'accord. Donc bah là, par exemple, on en avait deux qu'on a tourné cet hiver, on a pris des planches, on les a recouverts. C'est pas un problème, parce que de toute façon, le bétail n'est pas dehors, donc c'est pas un souci. Mais là, sur le secteur, ça serait compliqué, parce que voilà, il y a les barrières, il y a les clôtures qui se remettent. Là, il y a beaucoup de clôtures qui sont. Ouvertes où on peut maintenant passer, mais en été elles sont remises, hein, les barbelés. On va éviter la planche. C'est dommage, parce que moi j'ai beaucoup cherché l'année dernière à essayer de trouver des solutions pour pouvoir pour pouvoir faire tourner un petit peu le domaine l'été. Bien sûr, parce que par exemple, il y a quand même le restaurant. Le restaurant, il est censé être ouvert toute la saison. En plus, il y a eu des gros investissements dans l'auberge de Cuvéry. Mais il était fermé cet été. Il était fermé cet été ? Ouais. D'accord, ok. Alors c'est possible. Ouais, alors c'est possible, puis ils ont rouvert. Je crois qu'ils hésitaient à changer, puis finalement le personnel a repris. Mais le but, en tout cas, qui a avoué sur ce restaurant, c'est qu'il puisse rester ouvert toute l'année pour pouvoir attirer du monde. Mais pour rester ouvert toute l'année, il faut qu'il y ait des activités. Et pour les activités, c'est vrai que les champs de traîneau drainent beaucoup de monde. Mais voilà, il faudrait qu'on puisse pouvoir travailler hors neige sur le secteur pour pouvoir continuer à drainer du monde. C'est ce que j'expliquais hier à une des conseillères municipales. Moi, j'essaie de travailler énormément au niveau marketing, communication. Je travaille beaucoup du côté suisse parce que j'habite en Haute-Savoie, donc je ne suis pas très loin de la frontière. Mon frère, d'ailleurs, habite, lui, en Suisse. Donc on fait beaucoup de promos, beaucoup de pubs, parce que finalement, de Genève, on est à 50 minutes du plateau de Rotor. Hein. Et Genève, il n'y a pas de montagne pour aller faire du ski qui sont genevoises. Donc, de toute façon, les gens, s'ils veulent faire du ski, ils vont se taper une heure de route. Ils vont aller à Pradlis-Semans ou au Rousse, dans le Jura. Mais finalement, ils peuvent aussi venir ici pour faire de l'activité traîneau. C'est pas plus loin que d'aller de partir pour aller faire une session de ski. Donc, il y a du potentiel, mais voilà, il nous manque des secteurs pour pouvoir... en dehors de la neige, travailler et proposer des choses. Là, c'est par exemple quelque chose que je propose chez moi en Haute-Savoie, des balades en carte, où j'essaie de travailler beaucoup avec des écoles ou des centres de vacances, ou également des centres de personnes handicapées. On a beaucoup de demandes au niveau des centres de personnes handicapées. J'en ai fait quelques sorties l'année dernière. Et c'est top, quoi, parce que ils sont tellement contents de voir justement les chiens, la neige. On peut nous adapter vraiment les balades en fonction de ce qu'on a besoin. Donc, on peut vraiment faire beaucoup de choses finalement avec les chiens. Là, on va arriver sur le secteur où il y a la fameuse petite cabane dans l'arbre qui sera juste là à la fin de la petite forêt. Ah, là voilà. Ah, voilà. Ok, devant. Devant, Ako, devant. Toujours tendance à en garder un petit peu sous la patte. Ça vient, une des croyances viendrait du fait que c'est des chiens qui, à la base, vivaient dans les tribus sibériennes. Les tribus sibériennes, pour se nourrir, chassaient ou pêchaient. Et puis, la priorité, c'était évidemment de nourrir les humains de la tribu. Accessoirement, quand il y avait du rab, les chiens pouvaient en profiter. Alors les gens disent, oui, mais du coup, les chiens, ils allaient chasser s'ils n'avaient pas de nourriture. Et non, c'est pas des loups, hein. Ils n'ont pas une organisation comme des loups pour aller chasser. C'est un peu chacun pour sa pomme chez les chiens de traîneau, puis ils ne sont pas très très doués non plus. Donc c'est un chien qui donne toujours, qui ne donne jamais le 100% de ses capacités, et on le voit aussi au travail quand il est en train de bosser. Parce que si d'un seul coup là, on a un renard, un sanglier ou Dieu sait quoi qui traverse ta piste, je vous garantis que la montée on la fait en 2 secondes. Là ça va foncer et tout le monde va se mettre à courir à fond la caisse. Ah oui ? Et c'est là que vous allez vous dire, ah ouais, effectivement, ils en ont encore pas mal. J'avais le cas l'année dernière justement avec une dame, on avait fait 2 demi-journées, donc on était l'après-midi, on finissait la demi-journée de l'après-midi. Donc les chiens s'étaient quand même tapés à 4h, presque 5h de boulot. Et on remontait, on était sur une bonne montée, et oulala, ils ont l'air crevés vos chiens. Il y a eu un renard qui était juste en haut qui a traversé. Vous voyez ce que je voulais vous dire sur mon explication de il donne pas tout, c'est qu'on est monté en 3 secondes. Les chiens c'est parti d'un coup. Par contre, de nouveau, très important le rôle du chien de tête. Parce que le renard, admettons qu'il traverse de droite à gauche. Alors ok, super, les chiens ils avancent, mais par contre, là où le renard il a tourné, faut pas que mon chien il me fasse un virage à angle droit puis qu'il parte dans la forêt pour aller tracer le renard. Le chien de tête, lui, doit continuer tout droit et suivre la piste. Donc ça aussi, c'est un peu le même principe qu'avec Kiki et Chihuahua, mais c'est la même chose avec le renard. Il doit surtout pas commencer à se barrer et à essayer d'aller poursuivre le renard alors qu'on est au boulot. Donc voilà la fameuse sapine. Oh là là. C'est magnifique. Oh, il y a des endroits. À part cette ligne à haute tension que là, mais sinon, oui, c'est... Ouais. Quand je passe ici, je vais aller sympa, je dis ouais, pas mal. Donc cette piste qu'on est en train de faire, vous êtes en train de quelque part de la damer, quoi. C'est ça. C'est ça aussi que je voulais la faire, c'est que cet après-midi, on va tourner avec des clients. Et ça sera beaucoup plus facile pour les chiens parce que ça sera déjà tracé. À moins que le dameur passe. C'est possible. Mais vu que j'ai pas eu trop des nouvelles, je me suis dit tant qu'à faire, on va déjà la faire nous, comme ça au moins. Elle est prête pour cet après-midi. Et puis, ben, cette matinée, c'est aussi une matinée qui était réservée avec, avec ma femme. Donc, du coup, quand on sort quand même pour faire un grand tour. Parce que c'est toujours un petit peu la guerre, vu qu'on n'a pas beaucoup de chiens. On en a 18, mais ma femme a une partie des chiens, moi j'en ai une autre partie. Quand je travaille en clientèle, j'ai quand même besoin d'en récupérer pas mal. Ce qui, des fois, la limite dans ses choix de chiens. C'est des fois un petit peu la guerre entre nous pour ça. Mais voilà, c'est parce qu'on se décide à prendre quand même un petit peu plus de chiens encore. Mais voilà, c'est des jours, des moments qu'on se réserve à nous. C'est ce que je dis toujours, c'est le fait de ne pas brûler son âme. On a tous commencé ce métier parce qu'on a vu des Jack London, on a vu des Cro-Blancs, on aime les chiens et on a une passion. C'est un métier passion, ça c'est sûr et certain. Mais maintenant, c'est aussi un métier qui peut, suivant où on est, et puis même en règle générale, rapporter pas mal d'argent. C'est une activité qui est atypique. Les gens, ce qui est atypique, ils aiment bien. Donc on a énormément de demandes. Là, quand on faisait la balade, le téléphone, il a déjà sonné 5 ou 6 fois, parce que voilà, c'est pour de la demande. Donc on pourrait se perdre facilement en se disant, bah tiens, ouais, on n'a qu'à tourner tout le temps, faire de l'argent. C'est vrai que c'est tentant, mais en faisant ça, on en perd très vite le sens de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Ouais, le sens. Oui. Voilà, oui, la passion qu'on a sur ça, et c'est pour ça que moi je m'impose d'avoir des moments comme tous les jeudis. Les jeudis, je pourrais prendre des clients, mais ces jeudis-là, je les réserve vraiment pour ma femme. Alors que je pourrais gagner des sous. Hein. J'ai de la demande pour les jeudis, je pourrais les prendre. Lundi, je ne vais pas bosser non plus, parce que c'est aussi un jour que je prends pour moi, pour préparer un peu la course, le retour du cap, pour m'entraîner un petit peu avec mes chiens. Mais si je pensais tiroir caisse, ben je dirais non. Lundi, je bosse avec des clients, j'ai de la demande, hop, c'est parti. Mais voilà, je ne veux pas perdre le côté passion au profit de pognon. Au profit du côté pognon. Je pense que c'est un bon équilibre et c'est ça que j'apprécie aussi beaucoup ici avec mes collègues, c'est qu'on est tous un peu dans cette optique-là. On a tous notre boulot à côté qui nous permet de pouvoir vivre notre vie et on profite aussi d'exercer cette activité pour notre passion et puis pour les clients. C'est aussi ça le but du jeu, c'est qu'on est certainement, à mon sens, on est plus. On va donner plus d'informations aux clients. Bonne humeur que quand on passe notre temps à faire ça toujours la même chose, que ça devient une routine à fond la caisse, et puis on dit bon bah ouais. Voilà, ça c'est le chien de tête, ah bah ça c'est le chef de meute, on le met ici parce que voilà, et puis oh bah voilà, le truc c'est de mettre un petit peu de passion, parce que voilà, les gens ils ont déboursé des sous et ils ont quand même envie de vivre quelque chose unique et pas un truc plan, le musher il s'emmerde à fond la caisse parce qu'il fait ça toute la journée. Voilà, par contre sur ce type de neige, les chiens ils travaillent quand même pas mal parce que la neige est quand même très collante, on sent elle est humide, donc c'est sûr et certain que par rapport à de la poudreuse, s'il faisait plus froid, que ça soit vraiment tout léger, ça irait et ça serait beaucoup plus simple pour les chiens. Et après une autre chose encore que je ne vous ai pas dit sur le truc le plus difficile pour un chien de traîneau, beaucoup de gens pensent que c'est le poids qu'ils ont à tracter, mais en réalité c'est pas ça. Parce que finalement, on va adapter, on va mettre plus de chiens, ou alors on va essayer de trouver une piste qui est un petit peu moins difficile pour les chiens. Enfin voilà, c'est pas le côté le plus dur. Le côté, à mon sens, qui est le plus dur pour un chien de traîneau, c'est le côté rébarbatif du travail. À mon sens, quand vous tournez sur des petites boucles qui font 5 minutes ou proposer des petits tours de manège de 1 quart d'heure, c'est là que c'est le plus compliqué pour les chiens. Parce que les chiens, en fait, mentalement, ils tournent en rond, ils en ont marre, quoi. Ils se disent ok, voilà, on fait 12, 13, 14 tours pendant la journée à tourner en rond, et c'est quelque chose qui est assez difficile au niveau du mental du chien. Ici, ben justement, l'avantage de pouvoir faire de la demi-journée, c'est que je fais deux demi-journées, donc on va faire deux fois le même tour, mais on n'est pas en train de le faire 8, 9, 10, 11, 12 fois pendant la journée. D'accord. Et mentalement, c'est beaucoup plus simple pour le chien. C'est vraiment le côté le plus dur pour un chien, c'est ce côté rébarbatif, pas le côté travail. Le côté travail, ça, ils savent faire. Ako, tu restes un petit peu gauche, reste-moi à gauche. Gauche, encore gauche. Reste à gauche. Là, par exemple, il y a un dévers, donc je demande à mon chien de tête de bien me serrer sur la gauche pour pas qu'on soit dans le trou. Reste à gauche, encore gauche. C'est parfait, Ako, très bien. Super, loulou. À l'avance, les chiens ne savent pas si vous allez faire une petite boucle, une grande boucle. Oui, à force, ils le savent. Par exemple, tout à l'heure, quand on m'avait dit, ah bah tiens, il a voulu tourner à gauche, t'as dit, ah bah tiens, il est sur la piste bleue. Exact. Donc, il a bien compris que quand je lui ai dit, on va tout droit, on allait faire le grand tour. Comme ça, à force, il le connaît. Après, ça m'arrive aussi des fois de le surprendre parce que on va trouver. Alors pas sur la Noire, parce que la Noire je ne connais pas très bien. Puis il faut savoir que la Noire appartient quand même en grande partie à un propriétaire terrien qui nous laisse passer sur son domaine. Donc là, on ne peut pas tellement s'amuser à aller faire du hors-piste. On doit suivre une autre trace. Par contre, qu'on arrive sur Merlogne, sur la piste bleue, là ça peut arriver justement qu'on fasse du hors-piste. Et l'autre fois, donc le fameux lundi où on a été tracé dans la poudreuse. C'était sympa parce que le chien lui s'attendait à ce qu'on fasse notre piste habituelle, donc il a commencé à monter. Puis quand je lui dis non, on quitte la piste, là, on part sur la poudreuse, on va tracer tout le tour de Merlogne, le chien était tout content, il se dit ah tiens, c'est sympa, on va faire autre chose, donc chouette. Pour lui, ça l'amuse en fait. Après, il y a un compromis quand même à respecter. Ce que je dis aux clients, parce que des fois ils vont être poussés, ça m'arrive des fois de marcher à côté du traîneau. D'ailleurs, je vais le faire sur certaines montées parce qu'on va avoir des montées assez importantes après. Mais c'est un travail d'équipe. Le but, c'est pas de casser son chien. C'est de nouveau aussi une question de mental. Si je laisse aller le chien à l'échec, lui dire bah, allez, jusqu'à ce qu'on s'arrête, puis lui dire mais t'es vraiment nul. Le chien, au bout d'un moment, va se dire bon, moi j'arrête de tirer quoi, parce qu'en fait, j'arrive pas et c'est tout, j'y peux rien. Et c'est vrai qu'il y a des moments où il n'y arrive pas. Le but du jeu, c'est aussi que moi je l'aide. Je fais partie de l'attelage. Finalement, là, il y a 10 chiens, mais il y en a 11. Parce que moi, je fais partie aussi. De l'attelage, je donne un coup de main, je pousse s'il y a besoin de pousser, je marche à côté pour délester le traîneau s'il y a besoin aussi. Voilà, c'est un travail d'équipe. Et ça, par exemple, quand les mushers proposent de l'initiation, les gens ont la peine à comprendre ça. Eux, ils pensent qu'ils se mettent sur un traîneau, que ça va tirer et qu'ils vont rien avoir besoin de faire. Et non, on pousse, on aide les chiens, c'est physique. Hein. C'est pas juste hop, je suis sur une luge et je me laisse tirer jusqu'à la fin du parcours. Non, c'est vraiment un travail d'équipe et les chiens le voient. Là, il l'a moins fait, mais on va le voir dans les montées. Vous allez le voir. Le chien de tête va beaucoup me regarder pour savoir ce que je vais faire, si je vais l'aider, etc. On va vraiment avoir un lien entre les deux où, dès qu'on va s'arrêter, il me regardera. Il me dit qu'est-ce qu'on fait. Il dit ok, on va continuer comme ça. Ou je vais te donner un coup de main à monter. C'est un lien. Le chien de tête est vraiment un chien privilégié et je fais exprès de le privilégier. Par exemple, mon chien de tête ne s'entend pas du tout avec le chef. Enfin, c'est le chef qui ne s'entend pas du tout avec mon chien de tête. Parce que le chef, il comprend pas pourquoi est-ce qu'un chien plus bas dans la hiérarchie a droit à plus de traitement de faveur que lui qui est chef. Il a raison, d'un côté c'est vrai. Mais je le fais exprès parce que Ako, c'est vrai, donc le chien de tête, c'est vraiment le chien le plus important pour moi. C'est vraiment à lui que je fais confiance. Quand j'ai des dévers, comme on a vu, je l'envoie à gauche, il me va à gauche, il embarque tout le monde sur la gauche parce que j'ai besoin de ça pour... Il faut vraiment qu'il soit réceptif, qu'on puisse vraiment travailler ensemble. Et je fais exprès, même devant les autres, à midi, qu'il aille un petit bout de rab en plus et pas les autres. Il faut que lui aussi sente qu'il soit privilégié. Qu'il se dise ouais, je suis dans une position qui est géniale. Quoi. Mais du coup, c'est clair que ça crée des jalousies, spécialement avec le chef qui se dit pourquoi est-ce que lui il a des trucs alors que moi je suis chef de meute. Ça, au niveau de la vie à la maison au chenil, par exemple, les chiens ne vivent pas tous ensemble. Ils vivent 3 ou 4 par enclos. Après, ils vivent pas tous ensemble. Non, ils sont 3 ou 4 par enclos et après on a un grand. En fait, si vous voulez, voilà. Il y a une partie plancher bois avec un couvert qui est fermé derrière et sur les côtés. Devant, c'est ouvert et en fait il y a des petits enclos qui font 60 mètres carrés. Et au fond de ces enclos, il y a un portail qui amène sur le grand parc des bas qui fait 6000 mètres carrés. Donc les chiens vivent par 3 ou 4 dans leur enclos et quand nous on est là, on ouvre les parcs des bars et là ils sont tous ensemble, mais par contre sous surveillance. C'est vrai qu'il y a des mushers qui ont, moi j'appelle ça la hiérarchie totale, c'est-à-dire que tous les chiens vivent ensemble et qu'il y a vraiment une hiérarchie qui est très bien définie. Par contre, revers de la médaille, c'est que ça arrive aussi qu'il y ait des morts dans les chiens. Parce que quand ça part à la bagarre, généralement c'est pas un chien contre un chien, c'est un chien contre 10 chiens. Et puis généralement le plus faible, il a tout le monde dessus. Puis si vous êtes parti faire des courses et commissions ou Dieu sait quoi, quand vous rentrez, vous pouvez avoir un chien qui est en lambeau, hein, qu'ils ont quick. Et parce que c'est quand même, voilà, ça peut aller très loin au niveau des remises en question. C'est vraiment. Alors pour le coup, ça c'est proche du loup, c'est qu'il y a vraiment une hiérarchie qui est très, très forte. Et il y a souvent des remises en question, notamment quand on a une meute jeune, où les jeunes ils cherchent leur place. Et du coup, ils passent leur temps un peu à se défier les uns et les autres. Et quand vous avez des grandes meutes de 50-60 chiens et puis que ça part à la bagarre ou en bagarre générale et que vous n'êtes pas là pour intervenir, ouais, normalement, généralement, il y a soit des blessés très très graves, soit des morts. Et il y a une raison à ce que des chiens se battent. Ouais, la hiérarchie, la place. La hiérarchie. La place. Bah, par exemple, Yago, là, le chef qui est derrière, au tout début, quand j'ai monté ma meute, c'était Chippy. Donc, Chippy, c'est une des retraitées. C'était la chef. Tout le monde la respectait, etc. Un jour, Elle est passée à peu près, Yago un petit peu cherché, hop, c'est parti à la bagarre. Ils sont commencés à se battre les deux. Chippy a commencé à vite perdre, pas réussir à tenir la cadence. Les autres chiens ont vu qu'elle était en difficulté, tout le monde lui a sauté dessus. Parce qu'ils sont tous dit, finalement, si elle est en train de perdre, elle perd une place. Mais nous, si on se met aussi à l'attaquer, on va monter aussi d'une place. Bien sûr. Donc du coup, tout le monde était dessus. Donc elle s'est retrouvée avec 5-6 chiens qui étaient en train de la mordre et de l'attaquer pour essayer de prendre, pouvoir monter dans la hiérarchie. Du coup, Yago est devenu chef. Et puis, beaucoup d'autres chiens sont passés maintenant en dessus d'elle. Elle est maintenant devenue assez basse. Elle a encore les bébés, tout ça, la respecte. Mais la plupart des autres chiens sont passés en dessus d'elle à ce moment-là. Et ça a été violent. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas rare que nous, on prodigue nous-mêmes les soins. Par exemple, si j'ai un chien qui a un coup de croc ou une blessure, suivant comment elle est, je vais pas aller chez le véto. Je vais moi-même agrafer. On a, pendant la formation, on a aussi ce côté soin pour les chiens. Donc, on a des agrafeuses qui nous permettent de pouvoir suturer un chien qui aurait un problème, de coup de croc. Mais donc voilà, le but moi de séparer mes chiens, c'est que j'ai pas envie de passer ma vie à raccommoder des chiens. Oui, oui, oui. C'est pas le but. Moi, je suis là pour faire du traîneau, donc je suis pas là pour faire. Alors c'est très joli, hein, je dis pas. Moi, je trouve ça génial hein, quand on voit les meutes avec 30-40 individus. Ok, d'abord. Eh bien, 30-40 individus qui vivent ensemble, c'est toujours très sympa, mais il y a quand même l'envers du décor qu'on voit pas. Et puis moi la saison, si je peux pas attaquer une saison avec la moitié de mes chiens qui sont blessés, qui peuvent pas travailler. Bien sûr. Mais par contre oui, quand on les fait sortir dans le grand parc des bas, là on essaye de que tout le monde est ensemble, mais par contre s'il y a une bagarre, on interviendra. Mais dans une bagarre ça peut aller jusqu'à la mort, ouais. Oui, ça peut, oui. D'accord. Comme je vous dis, c'est généralement c'est pas du 1 contre 1, c'est 5-6 chiens contre un chien et ça peut effectivement aller jusqu'à la mort. J'ai un exemple d'une connaissance. Alors en fait il y a différents types de chenilles, il y a les chenilles type alaskan. Type alaskan, c'est-à-dire que les chiens sont attachés à une chaîne de 2 mètres de long et ils ont une cabane, un petit plancher et puis ils sont attachés. Je suis pas un fan de ce type de truc, mais ça existe et c'est autorisé dans la loi. En fait, les chiens qui tournent en rond, ils usent leur boucle de collier. Et un coup, il y a deux chiens qui ont réussi à casser leur boucle de collier une nuit. Et ben, ils ont été tués, un des chiens qui était attaché, parce qu'il y avait une contention entre eux. Les deux sont mis dessus, en plus, l'autre était attaché, donc ils ne pouvaient pas se barrer. Voilà. Et puis, ben, voilà, le matin, le machin, quand il est revenu, ben, il a trouvé son chien qui était mort. Non, c'est voilà. Et puis c'est ce que je dis. Enfin, maintenant, quand j'attelle, il y a rarement des bagarres. Il y aurait pu avoir ce matin parce que il y a les femelles en chaleur, donc du coup la tension est quand même un peu plus haute que quand il n'y a pas ces problèmes de chaleur. Je remettais des chiens où je sais que normalement en fait le chef court à côté de sa sœur, qui est en diagonale de lui là, juste devant. Ouais. Il court pas normalement avec Iska et la sœur du chef court pas normalement avec Ifi. Ça peut des fois être un peu tendu. Alors. Pas tendu dans le sens il y a un rapport de force qui est de toute façon le chef c'est le chef et l'autre la petite noire et blanche elle va pas faire la mariole et puis celle qui est à côté de la soeur du chef non plus hein, si l'autre elle lui monte les dents, mais il aurait pu avoir un petit comme ça pour montrer qu'il était là, mais maintenant l'équilibre est assez bon, mais c'est vrai que si, ça m'arrive de dire aux clients si il y a une bagarre et que je dois intervenir, vous allez trouver ça extrêmement violent la façon dont j'interviens pas en criant hein, j'interviens à coup de pied, coup de poing. Ah oui, pour décrocher le chien. Mais c'est peut-être violent, ça peut paraître violent, mais néanmoins, plus vite j'arrive à les séparer, moins il y aura de dégâts sur les chiens. Parce que moi, j'ai pas des crocs et les crocs, ça déchire tout. Hein. Si j'interviens pas, que je suis là, allez, s'il vous plaît, arrêtez, séparez-vous, et que je mets 10 minutes, ben, je vous garantis que les dégâts ils seront énormes. Mieux vaut y aller à la rigueur d'un coup franc et sec et que les chiens soient choqués d'avoir un coup de pied en pleine figure et tout, mais au moins, ils vont lâcher vite et les dégâts seront beaucoup plus minimes que ce qu'il aurait pu avoir. D'accord. Si j'avais laissé traîner les choses. Entre les chiens qui battent, hein. Les coups de croc, c'est pas la même chose que de se prendre un coup de boots dans la figure. C'est limite au coup de boots, ils vont pas vraiment réagir. Tandis que le fait de se rouvrir de tous les côtés, là, ça peut. Alors après, comme je vous dis, c'est vraiment. Je sais même plus quand, j'ai remonté à peut-être 5-6 ans en arrière que j'ai eu la dernière grosse bagarre, même pas grosse, une dernière bagarre que j'ai pu avoir sur l'attelage. Et puis après, on place aussi les chiens en fonction. Si j'en ai deux qui s'aiment vraiment pas, par exemple, là il y en a deux qui s'aiment pas. Il y en a une qui est sur l'attelage de ma femme, et puis elle s'entend pas du tout avec la chaîne qui est en co-leader avec mon chien de tête, celle qui est tout devant à droite. Et dès qu'elle passe à côté, si elle peut la niaquer, elle le fera. Donc du coup, on s'arrange pour qu'elle soit pas à côté. Si elles sont attelées sur le même attelage, ben, il y en a une qui sera un petit peu vers l'arrière, et puis l'autre qui sera tout devant. Ben, voilà, j'ai évité de mettre le risque pendant une prestation client. peut arriver de temps en temps, mais c'est rare, c'est que j'ai eu besoin de faire un demi-tour. J'ai eu besoin l'année dernière parce que il y avait les piquets en fait, des barrières des vaches qui sont dans les champs, et la ligne s'est attrapée au milieu, donc on était coincés. Du coup j'ai dû demander un demi-tour au chien, et puis du coup les deux chiennes se sont trouvées l'une en face de l'autre puisqu'elles ont fait un demi-tour très serré. Donc, et là ça a commencé à grogner un peu, mais c'est quand même très rare. À la rigueur, je serais plus le conflit, résoudre leur propre conflit au chenil, parce que au chenil, c'est leur terrain, même s'ils sont séparés, s'il y a des griefs, pourquoi pas, dans les parcs débats, mais sous surveillance. En revanche, quand on est avec la clientèle, le but, c'est pas de montrer aux clients qu'il y a une bagarre entre des chiens, et puis ça peut être choquant pour les gens. Donc on essaie de sécuriser quand même au maximum les attelages, de mettre vraiment les chiens qui s'entendent bien ensemble. À votre avis, vous pensez qu'on peut atteler combien de chiens au maximum sur un traîneau? Moi, je dirais 12, non? Derrière 12. Alors, en réalité, c'est une question, mais une fausse question, dans le sens où, en fait, il n'y a pas vraiment de limite. Finalement, c'est qu'une histoire de corde. Si vous mettez une corde de 200 mètres, vous pouvez mettre 200 chiens. Ouais, d'accord. Sauf qu'avec 200 chiens, encore faut-il réussir à s'arrêter. Je vous garantis que vous mettrez quelques kilomètres avant de commencer, ne serait-ce qu'un tout petit peu à ralentir. Et puis, il y a sûrement une question, c'est que le chien de tête doit pouvoir vous entendre. Alors, l'ouïe d'un chien est bien plus développée que la nôtre. Après, oui, c'est vrai. C'est pour ça aussi que je passe pas mon temps à hurler. Ça, c'est aussi un truc qui est toujours problématique. Les compétiteurs ont aussi tendance à le faire, c'est que les chiens fonctionnent surtout à l'intonation que vous allez mettre. Si vous êtes tout le temps en train de gueuler pour tout et rien, pour « Allez, vas-y, c'est bien, devant, c'est bien, mon chien, c'est bien !» Ou alors « Attention, il y a un danger !» En fait, le chien ne comprend plus parce que vous mettez la même intonation à l'encourager qu'à l'engueuler. Donc moi j'essaie de faire attention à quand je félicite ou je donne un ordre, de donner calmement, tranquillement, et par contre de réserver la grosse voix pour quelque chose qui peut poser problème, qu'ils comprennent que là il met notre intonation plus forte, ça veut dire qu'il y a un souci. Et puis après, le deuxième problème sur une grande ligne de chien, c'est justement les virages. On va avoir le cas, si je vous en parle, c'est qu'on a un virage en épingle qui est un peu chiant là-bas. Et le problème c'est que les chiens vont serrer. Et nous, on va se faire déporter dans le virage. Vous allez voir, ça ne va pas manquer, on va de toute façon se faire déporter. Par contre, je vous rassure, virage en montée, on va tout doucement. Mais ça vous permettra de voir et de vous rendre compte un peu de la problématique qu'on peut avoir sur des grandes lignes de chiens. Donc le but, c'est de rejoindre le chemin qui est juste là-haut. Donc, on va devoir faire une espèce d'épingle pour remonter sur la droite. Du coup, le traîneau va complètement se déporter, on va finir pratiquement dans l'arbre qui est ici. Essayer de l'éviter, mais c'est pas facile. À cause, serre à gauche, gauche, gauche, gauche, à cause, gauche, gauche, gauche, gauche, gauche. Donc, du coup, devant, je vais devoir basculer le traîneau. Je vous tiens, ok, devant, allez, devant, ok, devant. Vous voyez à quel point ça nous c'est écarte. Fabuleux. Et on sort de ça. Si on le fait pas, on finit vraiment dans l'arbre, tellement ça nous rabat sur le côté. Ouais, doucement. Et stop. Est-ce que ça va? Super bien. Alors, on arrive là sur la remontée de la Noire, donc on n'a plus grand-chose. On arrive bientôt au bout. On en a en tout cas pour une vingtaine de minutes encore. Donc, on fait la remontée de la Noire, Merlogne, et ensuite on rentre. Ici, le gros problème qu'on avait, c'est qu'on avait un énorme dévers. Et apparemment, cet été, ils l'ont corrigé. Ils ont retravaillé le chemin, les bûcherons, enfin, quand ils ont coupé, ils ont retravaillé le chemin, et du coup, on a plus de dévers. Parce que le dévers, du coup, ça nous fait partir vraiment dans le fossé. Du coup, on était obligé de reprendre dans le sens inverse. Alors, l'année dernière, j'avais pris des radios, et puis on se parlait par radio. Si on avait besoin de... Si on avait un qui descendait, ou en tout cas, on en parlait déjà avant de savoir le type de prestation qu'on avait. Parce qu'on sait que si on a de la demi-journée, on sera sur cette partie-là. Par contre, si on est à l'heure, on n'est pas sur ce secteur-là. Là, c'est vraiment le secteur pour la demi-journée. Mais par contre, effectivement, c'est un très bon travail aussi d'avoir des chiens qui peuvent, enfin d'avoir plusieurs meutes de chiens, parce que ça justement permet de pouvoir se dépasser, même se croiser, ça arrive, hein, c'est rare, mais quand on est entre nous en tant que professionnel, des fois on peut arriver l'un en face de l'autre parce qu'on est parti sur un hors-piste. Alors pas sur la portion noire, mais sur la portion piste bleue en hors-piste, on va se retrouver l'un en face de l'autre, et c'est le but, c'est d'apprendre justement aux chiens qu'on n'est pas dans un truc de danger, qu'on est au travail et qu'on peut se croiser, et puis voilà. Mais par contre, quand on fait ça, on sait sur quelle portion on le fait. Là, ici, sur un secteur comme ici, c'est devant. Ça sera un peu compliqué. Là, sur le plateau, vous êtes combien de... Vous me l'avez dit tout à l'heure, je crois. Vous êtes combien de mocheurs? Alors, on est 4 mocheurs professionnels. Vous êtes 4, c'est ça. Voilà. Qui travaillons sur le secteur. Benjamin et Bruno, eux, sont des anciens mocheurs. Ça fait longtemps qu'ils travaillent ici, maintenant. Et puis, Jérémy et moi, ça va faire maintenant notre 3e année qu'on travaille sur le secteur. Et c'est ouvert... C'est ouvert simplement parce qu'on a de la demande. Benjamin et Bruno sont des mocheurs, on va dire, intelligents. Ils nous ont vu déjà venir ici nous entraîner en tant qu'amateurs. Ouais. En discutant, ils ont appris que moi je voulais faire ma formation et que je travaillais déjà sur d'autres secteurs comme mocheur pro. Et après, l'idée c'est qu'on aille un peu les mêmes valeurs, la même façon de travailler, la même façon de voir nos chiens. Justement, de ne pas avoir ce côté usine Afrique, de ne pas avoir ce côté attention mes chiens, si vous les croisez ils vont défoncer les vôtres, etc. Ouais. On a une façon, on a tous notre boulot à côté aussi, donc de nouveau on n'a pas des impératifs extrêmes pour nos chiens pour faire une bonne saison, donc voilà, ça permet vraiment, donc Ben et Bruno nous ont permis de rentrer sur le plateau de Rotor. Comme je vous ai dit, ça faisait longtemps que je voulais travailler ici, et puis j'ai eu l'opportunité il y a 3 ans en arrière de pouvoir me lancer comme mocheur pro sur ce domaine. Vous êtes comment dire, obligé de payer une sorte de patente pour pouvoir faire ce que vous faites là? Alors, effectivement, on paye un forfait. Donc, il y a un forfait à l'année qui coûte 200 euros. C'est un forfait, alors aussi bien, c'est vrai que c'est le même tarif pour nous que pour, par exemple, vous auriez des chiens, vous avez envie de faire la saison ici, vous paieriez le même prix que nous, on paye. D'accord. 200 euros, c'est pas très cher. C'est vrai que pour le coup, par rapport à d'autres secteurs qui nous demanderaient plus, ici, on n'a pas énormément. Mais on a quand même une contrepartie, à mon sens, qui est importante. C'est qu'on essaye, il y a par exemple l'auberge, on ramène quand même du monde. On ramène pas mal de monde parce qu'on essaye aussi de faire, nous, de notre côté, notre publicité. Bien sûr. Je vous ai dit, je travaille beaucoup du côté suisse. Et je ramène des gens qui vont dépenser finalement leurs sous. Parce qu'après, ils vont aller boire un café, un chocolat chaud. Ils vont peut-être manger quelque chose. Donc il y a quand même un donnant-donnant. J'allais dire gagnant-gagnant, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est du gagnant-gagnant. On ne nous assassine pas au niveau des prix. Et nous, on fait une jolie promo aussi pour le site du plateau de Rotor. Et je pense que tout le monde peut s'y retrouver en faisant comme ça. Alors là, par exemple, j'ai des chiens. Je pousse pas le traîneau, mais je marche à côté. D'accord. Par contre, ils vont vite, du coup, je suis obligé de trottiner quand même à côté. Voilà. Ouf. Voilà, on serre un peu à droite, à quoi. Mais il y a de la demande, oui, il y a une clientèle. Alors il y a une clientèle, on a énormément de demandes, mais vraiment énormément. Moi, c'est l'année dernière, j'ai beaucoup travaillé avec l'office de tourisme de Bellegarde. D'ailleurs, j'ai une prestation pour une personne qui travaille là-bas ce week-end. J'ai travaillé cet été pour eux sur le trail de Bellegarde, qui était... quelle période c'était, mais c'était le trail, le départ était sur la place et on est venu avec la meute pour faire une petite présentation aussi. Donc on s'implique, enfin voilà, l'idée c'est de s'impliquer dans la vie active de la ville, hein. Et derrière aussi d'avoir un peu de promo pour nous. Et du coup, c'est vrai que cet hiver j'ai beaucoup de demandes, je n'arrive pas à satisfaire. Ah oui, vous arrivez à refuser du monde parce que vous ne pouvez pas, en fait. Oui, je refuse. Alors, je refuse, mais par contre, je retransmets. L'idée, c'est que si j'ai pas de place, j'envoie à Ben, Bruno ou à Jérémy. Ah, d'accord. Pour, voilà, on est des entités toutes différentes, donc on a chacun notre structure, mais par contre, on collabore ensemble. Un exemple, une famille qui va me dire, voilà, on est 10. Alors, pas 10, on va dire, on est 6 et on veut faire une balade ensemble. Je dis, ouais, 6, au reste, je ne peux pas vous mettre 6 dans le traîneau. En revanche, je vais téléphoner à Jérémy, je lui dis, ouais, Jérémy, j'ai des clients qui aimeraient venir le 2 février, l'après-midi, en balade en demi-journée. Est-ce que toi, tu as de la dispo? Il va me dire oui ou non. S'il me dit oui, eh ben, on partira à 2 traîneaux. Moi, j'aurai une partie de la famille, lui, il aura l'autre partie de la famille. Il touchera financièrement ce qu'il a dans son traîneau et moi, financièrement, ce que j'ai dans le mien. Bien sûr. On se partage tout simplement ça. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on collabore ensemble, en bonne intelligence finalement. On n'est pas en train de se tirer ni dans les pieds, on essaie plutôt de tirer à la même corde ensemble pour pouvoir apporter aux gens ce qu'ils ont envie. Et essayer de répondre au mieux aux demandes qu'on peut avoir, qui sont des fois un peu spécifiques. Mais voilà, c'est vrai que la demande est quand même assez importante. Enfin, elle est assez importante parce que, voilà, comme je vous dis, j'ai beaucoup travaillé... niveau marketing, publicité cette année, autant avec l'office de tourisme de Bellegarde que du côté suisse où j'ai fait des flyers, des prospectus, des choses comme ça, pour pouvoir essayer de rapporter un maximum de clients ici, parce que voilà, ça nous fait vivre, ça fait vivre aussi ben, les restos, ça fait vivre les loueurs de raquettes, parce que par exemple quand j'ai des groupes et que je peux pas prendre tout le monde. Alors je vais pencher un peu le traîneau, ne vous inquiétez pas. Non, mais pas de soucis. Voilà. Ok. Donc pas avoir les branches dans la figure. Parce que par exemple, si j'ai des grands groupes où ils sont une dizaine de personnes, je leur dis, ce qu'on fait, c'est que vous louez des raquettes, la moitié du groupe, vous allez faire une balade en raquette, l'autre moitié du groupe, vous venez avec moi à faire du traîneau. Et puis après-midi, on change. D'accord, tu me sers un peu à droite. Droite. D'accord. Droite. Donc physiquement. On pousse aussi. C'est bien, ça entretient les chiens et le moche. Ok, d'abord. On va aller sur du meilleur. Ça, c'est un paradoxe de nouveau. Je sais pas ce qu'il faut. Quoi. À quel moment il faut laver une piste. Mais c'est peut-être aussi un des problèmes qu'il y a sur cette station à Cuvéry. C'est que beaucoup de compétiteurs au niveau de la durée. Ouais. Des parcours sont intéressés à venir s'entraîner ici. Mais la plupart des compétiteurs, c'est des compétiteurs sprint. Et quand on va faire une compétition de sprint, d'ailleurs la retour d'Icar, ce sera ça, il faut que la piste soit damée, soit très dure. Parce que des pistes comme ça, ça ne va pas du tout pour faire un entraînement sprint, parce que les chiens, ça les fatigue trop, et puis ils n'ont pas des bons appuis. Et c'est un reproche qui a souvent été fait par les compétiteurs, de ce que j'ai pu voir sur Facebook, c'est oui, c'est Cuvéry, c'est super, c'est joli, il y a des pistes et tout. Par contre, c'est pas suffisamment bien damé pour qu'on puisse venir s'entraider. Alors c'est vrai, hein, que eux, ils veulent vraiment des trucs, mais comme une station de ski, hein, je veux dire un truc dur, dur de chez dur, où le chien, il peut foncer. Il peut foncer. Ouais. Et ouais, c'est une des remarques qu'on a, parce que l'idée qu'on avait à l'époque avec les autres mushers, c'était qu'il y a eu un damage super bien fait sur la piste verte et la piste bleue qui sont les plus courtes, et puis ensuite qu'on est sur la piste noire ou la piste rouge, vu que généralement les compétiteurs ils vont pas et qu'il y a plutôt que nous professionnels qui tournons sur ces pistes là, à la rigueur d'avoir un damage comme ça c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que ça serait important pour essayer de faire revenir et faire vivre un petit peu plus l'activité chaîne traîneau vers des compétiteurs ou des amateurs, effectivement l'entretien de ces pistes et ce damage. Après de nouveau, aujourd'hui c'est pas damé, il y a probablement une raison qui justifie le fait que ça soit pas damé. Mais le problème c'est que s'ils ont des amateurs qui viennent, qui payent un abonnement à la journée, ils coûtent je sais plus, tu sais. Ah ouais, du coup, ouais, ouais. Ils peuvent gueuler en disant ouais, moi j'ai payé un abonnement, en fait il n'y a rien qui est tracé. Et ça peut effectivement poser un souci. Plus que nous en tant que professionnels, ou nous. De toute façon, voilà, les chiens ils connaissent le truc, ils savent ce qu'ils doivent faire, mais voilà. Un amateur qui voudrait s'entraîner, lui il attend vraiment une piste okay, qui soit bien balisée et qui soit qui ait quand même un damage pour pouvoir tourner. C'est d'autant plus qu'un amateur va plutôt venir avec 4, 5, voire 6 chiens. Ça sera quand même plus difficile que moi avec mes 10 chiens qui quand même peuvent passer à peu près partout. Passer avec mes chiens. D'accord. À gauche, gauche, gauche, gauche, à gauche, gauche, gauche, non, non, non, gauche, gauche, gauche, gauche, à gauche. Accord gauche, gauche, devant, devant, devant, devant, devant, devant, devant, devant, allez devant, devant, devant, devant, devant, devant. Salut mon Ben. Ok devant. Allez. Encore un peu, un tout petit peu. Allez stop. Et voilà. Et voilà, Olivier Landais et sa meute de chiens nous a emmenés à bon port. Une balade exceptionnelle, aux sensations multiples et malgré le froid, ce bonheur unique d'avoir partagé cette expédition sur un plateau désertique, qualifié souvent de Petite Sibérie. Tout au long de l'hiver, Olivier Landais fait des baptêmes, des balades petites ou grandes. Il vous accueille là-haut avec ses chiens. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Vivez l'expérience. Évasion, terre, neige. Le site internet d'Olivier Landais, évasion-terre-neige.com. À très bientôt sur cette antenne.